dimanche même. Demain, la journée la plus chaude, normalement 28 à 34 degrés au minimum. Mais vendredi, on parle encore d'une fourchette de 30 à 34 degrés. Samedi, pareil, avec quelques nuages, mais plutôt sur l'ouest de la Belgique. Et dimanche, toujours aussi chaud, avec un peu plus de nuages en soirée. Tout ça amènera peut-être des coups de tonnerre. Vous écoutez Vivacité, il est 17h, voici les titres de ce journal avec Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir, 73 morts, des tas de bâtiments détruits, des dizaines de personnes encore prises au piège. Le bilan du séisme qui a frappé l'Italie cette nuit est lourd et il s'alourdit encore. Nous rejoindrons notre envoyé spécial en Italie, Valérie Dupont, dans un instant. Le Premier ministre a déclaré cet après-midi qu'il ne laisserait tomber personne. La chaleur encore au rendez-vous jusqu'au week-end, vous venez de l'entendre, le plan Clanicule est déclenché. Une surveillance des personnes âgées est organisée dans plusieurs communes. Et puis les seuils de concentration en ozone seront dépassés demain. Il faudra être encore plus vigilant, surtout pour les personnes sensibles. Pas de jogging, pas de sport intense. Est-ce le bon moment pour tester la cryothérapie? Ces espèces de cuves à moins 130 degrés dans lesquelles on vous plonge l'espace de quelques minutes. Certains, en tout cas, ont testé aujourd'hui. C'est supportable, mais c'est vrai qu'il y a une période où on est plus sensible et je pense que le corps s'adapte au fur et à mesure. On verra avec Simon Gérard si c'est vraiment une bonne solution. C'est une solution en tout cas qui a un prix. Dans ce journal, on verra aussi comment les pompiers accueillent les kits attentats qui leur sont fournis par la Fondation des Brûlés depuis quelques jours. On verra aussi ce qui nous attend en télé pour la nouvelle saison. La RTBF Télé a fait sa rentrée aujourd'hui. Pour démarrer ce journal, Manu Delporte, d'abord ce terrible séisme en Italie, avec un bilan qui s'est encore alourdi cet après-midi. Oui, 73 morts, c'est le dernier bilan de ce tremblement de terre. Les chiffres n'arrêtent pas d'évoluer. Ce tremblement de terre a secoué le centre de l'Italie vers 3 heures du matin cette nuit. Sur place, Pescara del Tronto, Amatrice et Accumoli, les trois villages touchés, c'est la désolation. Des gravats, des maisons éventrées, de la poussière et puis surtout des victimes qu'on transporte couvertes d'un drap, d'une couverture et d'autres qu'on recherche toujours. Valérie Dupont, vous êtes notre correspondante en Italie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ce bilan pourrait encore s'alourdir? Est-ce qu'on recherche encore des disparus à l'heure actuelle? Absolument. Hein, les secouristes sont encore au travail pour rechercher d'éventuels survivants, mais aussi pour retirer certainement de nouveaux corps de ces maisons écroulées. Et certainement, le bilan pourrait encore s'alourdir. En tous les cas, c'est ce que pense le chef de la protection civile italienne, qui a expliqué qu'en fait, les premières heures après le séisme, les secouristes ont dû dégager énormément de gravats sur les routes pour pouvoir arriver aux maisons. Et maintenant qu'ils sont entrés dans certaines habitations ou qu'ils tentent d'entrer dans les habitations, le risque de trouver de nombreux cadavres existe réellement. C'est pour ça aussi que le bilan, qui était resté assez stable jusque midi, une heure, s'est brutalement alourdi. On est au-delà de 70 morts actuellement et il risque évidemment encore de s'alourdir dans les prochaines heures. Alors Valérie, les autorités évidemment ont apporté leur soutien aux localités, aux localités victimes de ce tremblement de terre. Elles annoncent des mesures? Alors oui, le Premier ministre Matteo Renzi, le président du Conseil des ministres, a déjà tenu une petite conférence de presse. Il a expliqué qu'aucune de ces communes, ce sont des petites communes, hein, on parle de villages de 2 à 3 000 habitants pour les plus importants, ne seront pas laissées seules face au problème. Il explique qu'il y aura tout de suite des prises en charge et déjà dans les premières heures, on sait que des colonnes de la protection civile sont en route, elles sont certainement déjà arrivées dans certaines localités pour installer des camps de tentes, des cuisines mobiles, pour aussi loger tous ces gens, parce qu'on pense aux morts et aux victimes, mais il faut aussi penser aux vivants et à ceux qui sont restés sans maison, sans un toit, ce soir notamment pour dormir et manger. Donc là, l'Italie est un pays bien organisé. Ces colonnes de la protection civile arrivent de pratiquement toutes les régions italiennes. En ce qui concerne la solidarité, l'Église catholique italienne a déjà dégagé 1 million d'euros pour envoyer directement dans ces zones touchées. Et on sait que des collectes sont organisées un peu partout dans le pays. Alors Valérie, on a entendu parler aussi d'une nouvelle secousse cet après-midi, très brièvement. Est-ce qu'il y a eu des dégâts et là aussi des victimes pour cette deuxième secousse? Alors écoutez, il y a 150 secousses depuis le matin. Une très importante a été ressentie vers 14h. Des morceaux de maison se sont évidemment écroulés, mais je ne pense pas que cela a provoqué plus de victimes. Merci. Merci beaucoup Valérie Dupont, notre correspondante en Italie. On l'a dit, trois villages principalement sont touchés, Pescara del Tronto, Amatrice et Accumoli. Accumoli, c'est là que se trouvait Gianfranco lors du séisme, il témoigne. J'étais au sommet de la colline dans une maison qui s'est effondrée, mais j'ai survécu, Dieu merci. J'espère que les autres sont en sécurité eux aussi. C'est terrible, j'ai 65 ans et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Des petits tremblements, oui, mais rien d'aussi fort. C'est une catastrophe. J'ai vu le corps d'une victime, la pauvre personne était juste là. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres. J'ai entendu des appels à l'aide, des gens criaient, demandaient du secours, mais que pouvais-je faire ainsi en sous-vêtements? Je suis allé dans le centre, il n'y a plus que des décombres. Je remercie Dieu d'être encore là, vivant, et j'espère que c'est le cas des autres aussi. J'espère que la plupart des gens sont en sécurité, car il y avait beaucoup de gens ici, des jeunes, car c'est la saison des vacances, et dans deux jours, il y avait la fête du village. Beaucoup de gens étaient restés pour ça. Un témoignage recueilli et traduit par Sandro Calderon. Manque de chance, par ces chaleurs, une soixantaine de rues de la ville de Binches sont sans eau. Oui, et la fuite d'eau sur le réseau concerne en fait toute une série de maisons dans le centre-ville, sur les hauteurs de Binches et du côté de l'Athénée. La SWDE est sur place, elle tente de résoudre le problème. La ville envisage de déclencher le plan d'urgence communal. Des berlingots d'eau en tout cas sont à disposition à l'hôtel de ville de Binches jusqu'à 21h ce soir. Et puis on le disait encore hier, ce qu'il faut surtout par ces chaleurs, c'est boire. À Genappe, dans le Brabant wallon, le CP a déclenché pour la deuxième fois cet été son plan prévention chaleur avec distribution d'eau et bons conseils aux seniors. Reportage Michel Servet, Monica Wachter. Josiane Duplessis fait sa tournée de distribution des repas chauds comme tous les jours. Bonjour madame. Mais cette fois-ci, l'aide familiale apporte quelque chose en plus. Donc, je vous ai apporté une petite bouteille d'eau. Vous savez que par ces fortes chaleurs, il faut boire. Donc vous n'oubliez pas de boire. Hein, c'est important. Ça va. Yvette a 87 ans. On sait très bien qu'il est important de boire. Je sais bien qu'il faut boire quand il fait chaud, qu'on est bien obligé, mais enfin... Hein. Et ça va, ça passe. Ça passe, oui. Il faut aller un peu plus à la toilette. C'est ça l'ennui. Ça, c'est plus compliqué, ça. Oui. Effectivement, c'est souvent ça le problème chez les seniors. Ils ont très peur, c'est parce qu'ils doivent aller tout le temps aux toilettes. Hein. Et comme ils sont parfois incontinents, c'est un gros problème, hein. Ils ont peur de ne pas arriver à temps aux toilettes. Oui. Et ça les empêcherait de boire. Oui, je pense bien, oui. Yvette sait que boire, c'est important, mais chez d'autres seniors, le CPS a prévu un contrôle. Josiane Duplessis repassera dans la journée pour voir si tout son petit monde a bien vidé toutes les bouteilles. Au revoir, madame. Merci. Et on en connaît un ici qui a eu très froid, mais alors vraiment très très très froid cet après-midi. Oui, Simon Gérard, que rien n'effraie, est allé cet après-midi suivre une séance de cryothérapie. Il est entré dans une espèce de cuve où la température avoisinait pendant 3 minutes les, accrochez-vous bien, moins 130, moins 140 degrés. Il est fou. Est-ce que c'est la solution par ces temps caniculaires? Réponse avec ce reportage. La cabine est prête, ça y est. On ouvre la cabine, elle est prête, elle est déjà à moins 92. Petite appréhension avant l'expérience du grand froid. Et oui, on ne fait pas trop le fier devant cet engin un peu futuriste de 2 mètres de haut. On pénètre dans cette cabine en caleçon, chaussettes et gants, indispensables pour éviter les engelures. Dans quelques secondes, la température va descendre à moins 140 degrés. C'est parti pour 3 minutes. N'oubliez pas qu'il faut bouger un petit peu dans la cabine. De la fumée blanche vous envahit, sensation de froid par vagues successives. Le temps se fait plus long, les avant-bras et les jambes surtout souffrent. Mais Stéphane a relevé le défi haut la main. C'est supportable, mais c'est vrai qu'il y a une période où on est plus sensible et je pense que le corps s'adapte au fur et à mesure. Alors quel intérêt de faire subir cela à son corps? Ça sert surtout aux sportifs, selon Michel Skonians, le kiné qui s'occupe de cette séance. Ça facilite la récupération musculaire, la cicatrisation musculaire. La cryothérapie active la circulation et libère des endorphines. Elle serait utile contre les rhumatismes. Elle aide à se relaxer, voire même à dormir. Mais attention, la cryothérapie est déconseillée à certaines personnes, les cardiaques ou les femmes enceintes notamment. Nouvel équipement pour les pompiers. Oui, les kits de premiers soins adaptés aux attentats sont arrivés dans les casernes en Belgique. Le 22 mars, le jour des attentats, les services de secours ont été confrontés à des blessures totalement inhabituelles. Alors la Fondation des Brûlés a décidé d'envoyer des kits de premiers soins pour équiper les véhicules de première intervention. Avec nous, Olivier Loagie, vous êtes le commandant de la zone de secours Wallonie-Picarde qui couvre Tournai, Moucron et sa région. Bonsoir. Bonsoir. Vous les avez reçus, vous, ces kits dans la zone de secours Wallonie-Picarde ? Oui, le 10 août dernier, la Fondation des Brûlés a envoyé à chaque zone de secours un kit antiterroriste. Alors, il contient quoi, ce kit ? Il y a quoi dans cette boîte ? Donc, il contient des pansements qu'on dit de type israélien pour les blessures de guerre et alors des produits également contre les brûlures. Ce sont des choses que vous n'avez pas habituellement dans vos services incendies ? Non, bon, tout d'abord, nos ambulances ne sont pas équipées de ce genre de kit et dans les camions de pompiers, les autopompes, nous n'avons pas ce genre de matériel non plus. Donc c'est un réel plus, mais encore faut-il, un, savoir s'en servir et deux, en avoir en suffisance. Oui, donc pour l'instant, vous avez un kit en démonstration et vos pompiers ne savent pas nécessairement utiliser ce matériel. Non, donc on n'a pas reçu ni l'information ni la formation par rapport à ce matériel. Le SPF intérieur va organiser une formation avant la fin de l'année, après avoir pris les renseignements pour l'utilisation de ces kits, une formation dispensée qui durera 3 heures, et alors une autre formation sur le comportement à adopter par les pompiers qui font face à ce genre de situation. Et vous pensez être opérationnel à peu près à quel moment ? Mais donc, on doit faire en sorte de commander des kits supplémentaires, ce qui a été fait. Alors, il y a aussi le SPF Santé Publique pour les ambulances qui fournira également des kits. On nous les a promis pour septembre, donc on est dans l'attente. Merci Olivier Loagie. Je rappelle que vous êtes commandant des pompiers de la zone de secours Wallonie-Picarde. À l'étranger, la Turquie qui intervient en Syrie. L'armée turque a lancé une opération terrestre à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Opération bouclier de l'Euphrate. Le président turc Erdogan a déclaré que l'offensive avait pour but de mettre un terme au problème à la frontière turque. Que cette opération visait le groupe terroriste État islamique mais aussi les milices kurdes. Et puis en France, la condamnation de l'ex-confident de Liliane Bettencourt, François-Marie Bagnier, écope de 4 ans de prison avec sursis. On lui reproche d'avoir abusé de la faiblesse de la milliardaire, l'héritière du groupe L'Oréal. L'écrivain photographe avait reçu des chèques, des œuvres d'art, des donations, un contrat d'assurance vie pour des centaines de millions d'euros. Il était même devenu légataire universel de Liliane Bettencourt. Cette dernière atteinte de la maladie d'Alzheimer n'a pas assisté au procès. Et maintenant, vous allez tous savoir sur ce qui vous attend en télé pour la rentrée. Une nouvelle émission de débat politique, c'est le dimanche, c'est Sacha Daoud qui s'y colle. Dès le 18 septembre, ça s'appellera À votre avis, et Pierre Croll fera toujours partie de l'équipe. Arrivé aussi de Benjamin Maréchal en télé, dans une émission qu'il animera au départ d'une station-service. Ah, c'est vous, ça c'est le titre de l'émission. Ça parlera des gens, de la vie des gens ordinaires qui deviennent parfois des héros. Et puis l'autre bonne nouvelle, toujours plus de séries à la RTBF. Illégal et Unité 42, ça ce sont des nouvelles séries. Et puis des suites aussi pour La Trêve et Ennemi Public, le Big Boss. Jean-Paul Philippot en est très très fier. Au travers de La Trêve et d'Ennemi Public, on a démontré qu'il y avait une touche belge, une saveur, un savoir-faire qui plaît à notre public, qui exprime aussi tous les talents et les capacités belges francophones et qui est apprécié à l'étranger. Et cette année, ça continue. Alors cette année, nous avons 2 nouvelles séries qui sont, pour l'instant, dont le tournage démarre maintenant. Elles arriveront en cours de saison. Et les équipes de La Trêve et d'Ennemi Public ont commencé à écrire les deuxièmes saisons un peu plus tard dans l'année 2017 ou tout début 2018. Je dois vous avouer que depuis quelques mois, être à l'étranger dans des festivals ou auprès de collègues, c'est une fierté nouvelle parce que il ne parle que de cette nouvelle facture dans le domaine de la série audiovisuelle que la Trêve et Ennemis Publics ont révélée. Jean-Paul Philippot avec Radia Sadani. Il va y avoir du sport aussi ce soir. La suite des matchs de barrage de la Ligue des Champions. Borussia Mönchengladbach reçoit Berne. L'Ajax Amsterdam se déplace à Rostov en Russie. Manchester City reçoit le Steaua Bucarest. Et puis, c'est officiel, Denis Pratt, l'ancien soulier d'or, passe à la Sampdoria. Le Belge s'est déjà entraîné hier avec l'équipe, avec ses nouveaux coéquipiers italiens. Et puis, vous le savez, l'ambiance monte à Francorchamps. Les équipes arrivent, elles, demain sur place. On n'a jamais vendu autant de tickets. 70 000 tickets vendus jusqu'ici, sans doute un petit peu grâce au belgo-néerlandais Max Verstappen sur Red Bull qui attire les foules dans ça, la région. Ça va faire du bruit, ça. En plus, je crois que vous avez invité quelques auditeurs. Hein. Exactement, sur Vivacité, on offrait ce week-end, il fallait être là, hein, pour ceux qui étaient en vacances, tant pis pour vous. Oui. Il fallait être là ce week-end, on offrait des places pour aller assister à ce grand spectacle. C'est beau parce qu'il y a la F1, mais il y a aussi plein d'autres compétitions avant. C'est un week-end de malade. Oui, et puis il y a de l'ambiance toujours. Hein, oh, bah autour. Oui, on sait faire la fête là-bas, Francorchamps. Mais globalement, en Belgique, on sait faire la fête. Merci Manu, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. On part sur les routes tout de suite. Alors, pas celle de Francorchamps, quoique il y a peut-être un souci là-bas. C'est le point RTBF Mobile Info avec Adrien Demey. Bonjour. Bonjour Cyril. Non, ça se passe bien du côté de Francorchamps, en tout cas pour l'instant. Notons tout de même un camion en panne sur le 42 Mons vers Liège à hauteur de Vieville. C'est la bande de droite qui est encombrée et cela ralentit le trafic dans ce secteur vers Liège. Autre ralentissement lié à un chantier à hauteur de Couillet sur le ring 3 de Charleroi. C'est ralenti donc également dans cette zone vers Gouy. Sur le ring de Bruxelles, on a vu un ring bien plus fréquenté aujourd'hui, des retards plus conséquents. 35 minutes supplémentaires à présent entre Zaventem et Grand Bigard. Une vingtaine de minutes perdues entre Zaventem et Léonard ainsi qu'entre Grand Bigard. Et au titre, pour le reste sur le 40 entre Ostende et Bruxelles, il y a un accident à hauteur de Drangen. Le passage est difficile dans cette bretelle de sortie vers Bruxelles et puis vous perdez du temps vers la frontière française d'une part venant de le 40 via le 40 venant de Yabé que comptait environ une trentaine de minutes perdues. 6 km avant la frontière, ça commence à ralentir vers la France et puis sur le 17 également à partir de Albeck, vous perdez une trentaine de minutes vers la frontière française. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Avec la carte Cora et le bon du Folder, 40% sur un article au choix au rayon papeterie. Prenez le plus cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, conditions en magasin. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Eh ben oui, c'est parti jusqu'à 19h, installez-vous bien, petit cocktail à la main, petit verre d'eau pour vous rafraîchir, je ne sais pas. N'oubliez pas de boire, en tout cas de l'eau, c'est important de s'hydrater. Et on va reparler de la chaleur dans un instant parce que vous le constatez, il fait chaud, demain ce sera encore pire. Et il y a une alerte niveau 2 du plan forte chaleur qui a été activée, qui sera activée à partir de... qui est activée, ça y est, puisque c'est à partir d'aujourd'hui. Et puis on nous dit aussi qu'il y a une forte concentration d'ozone due au pic de température et aux polluants. Alors on va voir ce que c'est exactement dans un instant, quel danger on peut connaître et surtout comment faire attention, comment se préserver, tout ça, ce sera dans quelques minutes dans le 5 à 7 sur Vivacité. Qui dit chaleur dit terrasse, dit jardin, on essaie de profiter un petit peu du beau temps et donc qu'est-ce qui va avec tout ça? Le barbecue. Ce soir vous allez peut-être en faire un, vous avez peut-être prévu ça pour les prochains jours aussi. C'est quoi votre spécialité au barbecue? Le truc que vous préférez au barbecue, ça peut être quelque chose de très simple ou alors votre recette bien à vous. 3063 pour me le dire par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Manu Delporte, vous, est-ce que vous avez un truc favori, la recette que vous adorez au barbecue? J'adore le lard au barbecue. Avec une marinade ou juste comme tout ça? Tout simple. Tout simple. Oui. Ah, la simplicité, c'est efficace de temps en temps. C'est bien gras aussi, noté. Hein, ah bah, bon. Ça, effectivement. Et avec ça, une bonne bouteille d'eau. Un petit rosé, peut-être. Ah oui, rosé, d'accord. Donc de l'eau grenadine pour Manu. Si vous avez votre préférence au barbecue, échangeons ce soir. Donnons-nous faim. Donnons-nous des idées aussi pour le barbecue de ce soir. 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Je vous attends. On parlera de sport aussi avec l'équipe de la rédaction sport qui viendra nous voir tout à l'heure comme tous les jours. On s'intéressera aussi à Instagram parce qu'en fonction des photos que vous postez sur Instagram, vous savez c'est le réseau social où on ne communique a priori que en photo ou quasiment que en photo. On met des filtres, on change un peu les couleurs de ces photos, on les améliore parfois. Et bien en fonction de la couleur du filtre que vous mettez, on peut dire qui vous êtes, quel est l'état de votre santé mentale. Je reviendrai sur cette étude avant 18h dans le 5 à 7 et puis on parlera d'une nouvelle émission télé. Manu le disait, la rentrée de la Une, c'était aujourd'hui. Il y a eu la conférence devant tous les journalistes, toute la présentation et il y a une émission, une nouvelle émission qui arrive qui sera présentée par Sarah de Padua et dans laquelle on a besoin de vous.

Donc c'est essentiellement dans l'après-midi, début de soirée, que l'ozone sera le plus, les concentrations seront les plus élevées. Mmh. Et donc les personnes les plus sensibles, qui ont déjà par exemple des problèmes respiratoires en temps normal, on va dire, qui ont déjà des difficultés, vont ressentir davantage les effets de l'ozone qui va compliquer leurs problèmes respiratoires. Donc c'est un gaz irritant, ça entraîne des problèmes d'irritation au niveau de la gorge, donc des difficultés respiratoires par exemple. Donc ce que nous on conseille, c'est essentiellement pour les gens, ou même pour tout le monde d'ailleurs, mais surtout pour les personnes sensibles, personnes âgées, personnes qui ont des problèmes, petits-enfants, c'est d'éviter tout effort physique entre midi et 22h. Les jours où on est susceptible d'avoir des pics d'ozone, c'est-à-dire dans les 2-3 prochains jours. Et qu'est-ce qu'on appelle effort physique ? Ceux qui bossent continuent à bosser ou bien c'est une excuse pour rester à la maison ? Non, c'est plutôt d'éviter tout effort inhabituel ou d'éviter tout effort très lourd que l'on pourrait par exemple déplacer au matin, voire un autre jour. D'accord, donc plutôt en matinée et plutôt tard le soir si on veut faire des activités, se dépenser. Il y a encore pas mal d'enfants qui sont en stage en cette période-ci, puisque c'est encore les vacances. Donc là aussi, on limite tout ce qui est fort pour eux aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc les personnes qui sont les plus sensibles, si elles ressentent des effets, ce que l'on peut conseiller, c'est de rester à l'intérieur dans l'après-midi, début de soirée, entre 12h et 22h. Il faut savoir que les concentrations d'ozone sont en général deux fois plus faibles à l'intérieur des habitations qu'à l'extérieur. D'accord. Et c'est automatique quand il y a un pic de chaleur, il y a d'office pic d'ozone ou ça peut parfois, il peut parfois faire très chaud et pas avoir ce problème-là ? Alors non, ce n'est pas totalement automatique, mais il est certain que la chaleur et l'ensoleillement vont favoriser la formation d'ozone. Maintenant, il y a d'autres facteurs de dispersion des polluants, par exemple si vous avez beaucoup de vent, qui peuvent jouer. Et donc, il n'y a pas forcément des concentrations d'ozone très élevées lorsqu'on a un temps très ensoleillé. Mais c'est tout de même lié en grande partie, oui. Ça va être pire demain et dans les prochains jours ou ça va baisser ? Alors, dans les deux prochains jours, les concentrations d'ozone devraient être plus élevées qu'aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est vraiment dans les donc deux là, ça va vraiment jours, être compliqué. Alors, c'est les deux prochains jours qu'on s'attend à des dépassements. Actuellement, les concentrations sont élevées que très localement dans l'extrême nord du pays. Donc, demain et après-demain, elles devraient être élevées plus globalement sur l'ensemble de la Belgique. Pour la suite, c'est un petit peu plus difficile à prévoir dès à présent. Donc là, il faut attendre nos prochains bulletins qui devraient publier probablement dans la journée de vendredi. Eh ben merci beaucoup Philippe pour ces explications. On parle d'ozone avec vous depuis tout à l'heure. Est-ce que vous faites des blagues de musique dans vos bureaux ou pas chez Céline ? Pas en ce moment en tout cas. Non, parce que justement forcément vous savez avec la lourdeur que je peux avoir quand on parle d'ozone, ça me fait penser à ça moi. Ok, ouais, on essaiera d'y penser pour l'avenir. Ah, ce qui soit dit en passant peut être aussi énervant et aussi dangereux que l'ozone de à l'extérieur. Hein. Vous savez parce que ozone, Dragostadintai toute la journée, ça peut aussi taper sur le système, ça peut être dangereux. Merci d'être passé ce soir dans l'émission, Philippe. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. À bientôt, il est 17h27, on parle de barbecue cet après-midi. Alors, parce que bon, bah, il fait beau, il fait chaud, il y a des petits problèmes avec la qualité de l'air, mais autant se faire plaisir quand même avec un bon barbecue. Quelle est votre recette, votre truc préféré au barbecue ? 3063 pour me le dire par SMS. Et tout de suite, on va aller chez Fred. Bonsoir Fred. Bonsoir. Bien sûr Fred, bonsoir Fred, vous êtes de Jeanblou, bienvenue sur Vivacité. Bien à Jeanblou, c'est quoi votre spécialité au barbecue ? Moi j'adore le lard nature. Ouais, comme Manu alors. Mais alors moi je le saupoudre d'épices à poulet. Et ah. Ça lui donne plutôt que de l'acheter salé, ça lui donne le côté salé. Ça peut être pas mal ça. Manu, vous avez déjà essayé ? Oui, j'ai déjà essayé, oui. Mais vous préférez le sans rien ? Définitivement, je préfère le sans rien. À la limite, un petit peu de persil, moi. Ah oui, d'accord. Et Fred, vous avez une autre spécialité ? Ah oui, le cervelas au fromage. Alors, comment vous le préparez, ça ? Moi, je le fonds en deux. Ouais. Et alors, moi, je sais pas si je peux dire la marque, mais je mets du lard d'Hammer parce que c'est celui qui coule le moins. Bah, il fait un malheur. Et alors... Je le retiens avec des petits cure-dents pour pas qu'il s'ouvre de trop. D'accord. Et alors là, je le retourne au moins 30 fois sur le barbecue pour être sûr qu'il ne brûle pas. Ouais. Et qu'il soit écouillé et que le fromage n'ait pas coulé partout parce que sinon le cervelas brûlé, c'est pas terrible. Il faut que le fromage soit bien fondu. Ah bah ça, rien que d'entendre comme ça, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pourront avoir faim et ceux qui sont en train de se dire mais c'est une bonne idée. Ouais. Merci Fred d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Ouais. À bientôt. De rien. Bonne soirée. Et on continue à partager vos bons plans barbecue ce soir. Parce que c'est peut-être ce que vous allez faire à manger à la maison ce soir. 3063 par SMS, je vous attends. C'est 50 centimes le message ou sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. Juste après les titres de 17h30, on va parler de sport. Toute l'actu sportive, c'est tous les soirs dans le 5 à 7. Et puis d'Instagram. En fonction des photos que vous postez sur le réseau social, en fonction des filtres que vous mettez, on peut tout savoir sur votre état mental. Comment et quelle est cette histoire? Ben, la réponse est juste après ça. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebonvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. 75 ans de liberté, l'aventure ne fait que commencer. Condition 75e anniversaire sur toute la gamme Jeep. 4 ans de garantie inclus aux établissements Constant Liège. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Le Monde Sauvage présente sa nouveauté 2016, Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le Monde Sauvage des Wailles et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. Vous écoutez Vivacité, il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec l'Italie qui pleure ses morts, 73 victimes à déplorer jusqu'ici, c'est le bilan du séisme qui a touché le centre de l'Italie cette nuit. Les secours sont sur place, ils ont eu des difficultés pour atteindre les petits villages touchés par le tremblement de terre. Le bilan risque malheureusement de s'alourdir encore. Sur place, la solidarité s'organise, des locaux ouvrent pour les personnes qui ont tout perdu dans ce tremblement de terre. Chez nous, la vague de chaleur, des mesures qui sont prises dans plusieurs communes pour surveiller les personnes à risque. Il y a des métiers difficiles en ce moment. On a parlé ce midi des repasseuses professionnelles. Cuisiner, c'est pas terrible non plus. Derrière les fours à pizza, il faut être très motivé en ce moment. On apprend à l'instant que la vague de chaleur a aussi des conséquences pour les colombophiles. La fédération annule toutes les compétitions ce week-end. Pas de concours, donc il fait trop chaud pour les pigeons. Cette fuite d'eau enfin à Binche, la SWDE est sur place. Elle tente de trouver le problème et de colmater la brèche. Une soixantaine de rues sont concernées. Les habitants qui n'ont plus accès à l'eau peuvent aller chercher des berlingots à l'hôtel de ville jusqu'à 21h. Cette situation tombe vraiment mal par ces chaleurs. Ah bah effectivement, courage à tous ceux qui sont dans cette situation en ce moment. Merci Manu. Prochain point sur l'actu à 18h. La météo justement, qu'est-ce que ça donne pour les prochains jours, les prochaines heures, Dominique? Ce soir, vous allez faire un méga barbecue et vous profiterez en plus de la douceur de 17 à 21 degrés. Donc ça, oh, je pense chouette, ça. Que la soirée s'annonce plutôt bonne. Et puis la chaleur va continuer hein, toute la semaine. Demain, c'est 28 à 34 degrés. Je sais plus avec moi que tous ces chiffres. 28 à 34 degrés. Vendredi, 30 à 34 degrés maxima. Samedi, encore 28 à 34 degrés. Là, quelques nuages plutôt sur l'ouest du pays. Dimanche, toujours beaucoup de chaleur, mais plus de nuages en soirée. Et évidemment, ça pourrait entraîner quelques coups de tonnerre localement. Bon, espérons pas tout de suite qu'on puisse quand même en profiter un petit peu de ce beau temps. Merci Dominique. On part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info tout de suite. Adrien Demey, y a-t-il des soucis? Oui, certains évidemment, notamment sur le 19 entre Bruxelles et Mons. Un accident s'est produit peu avant l'entrée du chantier de Mézières. Le passage est difficile à cet endroit. Ça commence à ralentir dans ce secteur. C'est en direction de Mons. Un camion se trouve en panne sur le 42 Mons vers Liège, à hauteur du viaduc de Viéville. En bande droite, c'est en direction de Liège. Ce motorhome en panne par ailleurs sur le ring de Bruxelles, en circulation extérieure à hauteur de Zaventem. Il encombre la bande de gauche au kilomètre 33. C'est en direction de Grand-Bigard. Gare sur ce ring de Bruxelles, comptait une trentaine de minutes supplémentaires sur ce tronçon Zaventem Grand Bigard, une vingtaine de minutes perdues entre Grand Bigard et Haut-Titre pour les deux tronçons les plus retardés. Si vous êtes sur le 40 au stand vers Bruxelles, sachez qu'un accident s'est produit autour de Drongen. Deux voies sont neutralisées, la centrale et la droite. Cela ralentit fortement le trafic sur 7 km, comptait environ 25 minutes perdues à cet endroit. C'est en direction de Bruxelles. Ajoutons également que la bretelle de sortie Drongen a dû être fermé suite à cela en direction de la capitale. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Vivacité. Est-ce que vous communiquez avec les morts? Non, mais si je vous pose la question, ça peut pas vous paraître un peu bizarre. Mais si je vous pose la question, c'est qu'il y a une application qui arrive là sur Android. L'idée, c'est de pouvoir enregistrer un message avant votre mort et que la personne puisse plus tard le retrouver en faisant un petit parcours, en cherchant dans une ville par exemple, un peu à la façon des Pokémon. Alors l'idée de communiquer avec les morts, elle existe déjà, il n'y a pas besoin d'une application. On aura tout à l'heure quelqu'un dont c'est le boulot en partie de communiquer avec les morts. Alors on verra tout à l'heure si c'est possible, si réellement ça existe ou bien si c'est un vieux fantasme. Ce sera dans quelques minutes dans le 5 à 7, restez bien là. Je vais vous parler d'Instagram aussi dans un instant. Selon une étude réalisée par les Américains sont toujours dans les études qui servent à rien, selon une étude, il est possible de détecter qui est en dépression simplement en regardant les photos sur Instagram. Instagram, c'est le réseau social où on poste juste des photos et souvent on filtre les photos avant, donc on met une couche de couleur ou des effets sur les photos pour la rendre un peu plus belle. Et bien en fonction du filtre que vous mettez, on peut tout savoir sur votre état mental. Ce sera dans un instant dans le 5 à 7. Je vous parlerai aussi d'une nouvelle émission qui arrive sur la Une présentée par Sarah de Padua et pour laquelle on a besoin de vous. Je vous dis tout avant 18h sur Vivacité. Le PC portable Asus disque dur 1 Tera à 499€. Chez Cora, PC, ça veut dire pas cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Dans son spécial mode, Gaëlle reçoit l'influente créatrice Diane von Furstenberg. Découvrez les modèles et les tons qui ont séduit les acheteuses des boutiques, comme le chemisier à nœuds et les couleurs royales. Et pour pimenter vos looks, Gaëlle vous propose un clutch pile dans l'air du temps pour 2€ seulement. Gaëlle, vous avez tout pour vous. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Mété pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Faustaville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit. À samedi, les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. La région de Bruxelles Capitale, Vivacité et La Une présentent la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD, Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. L'école de promotion sociale d'Angleur. Une équipe dynamique vous propose des formations en journée ou en soirée. Anglais, alphabétisation, informatique pour débutants, Photoshop, création de sites, Illustrator. Et en nouveauté, une formation auxiliaire de l'enfance et utilisation de tablettes et smartphones. L'école de promotion sociale d'Angleur. Plus d'infos sur epsa.be. Vivacité et le Play-In 2016 présentent les Jeux Olympiques, un spectacle musical inédit. Avec un orchestre de 120 jeunes et athlétiques musiciens. Le samedi 27 août à 20h30 à la salle Oberbayern de Wem. Renseignements et réservations sur playin.be ou au 080 67 81 93. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTBF Ovio. Yeah. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. Si vous n'avez encore rien de prévu pour ce week-end, il y a un rendez-vous à pas manquer. C'est un rendez-vous en famille, comme tous les samedis. Le beau vélo de Ravel, direction Mété et le circuit Jules Tachny. C'est là que vous allez pouvoir pédaler ce week-end et retrouver toutes les animations aussi et des concerts. Comme à chaque fois, vous savez que l'étape du beau vélo s'arrête, se termine sur un concert. Et il y aura cette semaine à applaudir Suarez avec Marpigna qui fait son retour dans les fauteuils des coachs de The Voice. Il y aura également Balloons et Fanfan. Si vous voulez assister à tout ça, vous prenez déjà votre agenda, vous bloquez samedi et vous allez choper toutes les infos sur vivacité.be. Il est l'heure à 17h38 de parler de sport avec Jérôme Elgaz. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Alors nos médaillés de Rio sont désormais tous rentrés en Belgique. Les derniers sont arrivés à Zaventem hier soir. Mais maintenant, ils vont faire quoi ces athlètes qui nous ont fait vibrer Jérôme? Eh bien d'abord Cyril, ils vont prendre un peu de repos, c'est logique. Hein, mais un double repos même. Il y aura d'abord le repos physique, ouais. Car tous nos médaillés participaient à des disciplines très physiques. Et puis il y aura aussi le repos mental, car remporter une médaille, ben, c'est beaucoup d'émotions, ça fatigue quand on a le contre-coup. Et puis, c'est aussi énormément de sollicitations de la part des médias, mais il y a aussi les sponsors, les réponses à tous les messages de félicitations qu'on reçoit. C'est d'ailleurs parfois difficile à gérer l'après-médaille, surtout pour les athlètes peu habitués à être mis en lumière. Ouais. Dans certains cas, on peut vivre des espèces de micro-dépression ou du blues d'après-médaille, un peu comme le baby blues après une naissance. Ben, c'est compréhensible, mais on ne le souhaite évidemment pas à nos athlètes. Et Cyril, je vous propose ici de détailler le futur programme de nos médaillés. Ouais. On va commencer par les médaillés d'or qui sont... Alors, il y a, bah, y a Nafi Thiam, ouais, bien sûr. Il y a Nafi Thiam et le cycliste Greg Van Avermaet. On a tendance à l'oublier parce que c'était au tout début des Jeux. Et donc, Greg Van Avermaet, il faut savoir que pour un cycliste, bah, les saisons sont déjà chargées. Lui, il a déjà beaucoup donné. Il a gagné cette année le Nieuwsblad, le Tirreno Adriatico. Sur le Tour de France, il a gagné une victoire d'étape et a porté 3 jours le maillot jaune. Ensuite, donc, il y a le titre olympique. Ça fait déjà beaucoup. Il était rentré en Belgique début août, juste après son titre, quelques jours après sa victoire. Et donc, il a été fêté dans son village. Déjà, il a déjà pris quelques vacances, mais là, il est déjà de retour sur son vélo pour s'entraîner, puisqu'il va recourir pour la toute première fois ce week-end en France, dimanche, sur le Grand Prix de Plouay. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir si son maillot ou son vélo sera décoré des anneaux olympiques, puisqu'il n'y a pas de maillot spécifique pour le vainqueur des Jeux olympiques. Donc, en général, les coureurs... Il peut peut-être le faire lui-même. Voilà, les coureurs mettent sur la manche les anneaux olympiques. Ouais. On verra ce qu'il a choisi, lui. Après, il voyagera au Canada, où il y a des belles courses en septembre. Et puis, en octobre, il terminera avec les championnats du monde au Qatar, sur un parcours qui lui convient... Ça lui convient pas vraiment, mais vu l'année qu'il réalise, il gagne un peu tout, pourquoi pas finalement. C'est jamais sur un malentendu, une petite victoire de plus. Voilà, ça c'est pour le programme de Van Avermaet qui est encore assez chargé. Et puis il y a notre autre médaillée d'or, vous l'avez dit, Nafissatou Thiam. Elle va prendre un peu de bon temps en famille, elle, mais elle sera rapidement de retour sur les pistes d'athlétisme puisqu'il y a le Mémorial Van Damme le 9 septembre, dans 15 jours donc. Elle s'alignera dans le concours de la hauteur et elle va recevoir une ovation du public évidemment. Pour le reste, elle n'a plus vraiment d'objectif d'ici la fin de l'année. Elle peut donc voir les choses plus tranquillement. Alors, on continue. Les médaillés d'argent maintenant. Il aime bien faire des quiz. Il sait que le sport, c'est mon truc. Il y a notre équipe des Red Lions. Voilà, les Red Lions, nos hockeyeurs. Alors, eux, ils ont un calendrier similaire au football. Ça veut donc dire qu'ils vont débuter leur championnat belge, la saison 2016-2017. La première journée est programmée les 10 et 11 septembre, donc ça laisse peu de temps pour récupérer. Le prochain grand tournoi en équipe des Red Lions sera dans un an, pile en août 2017, avec le championnat d'Europe. Vu les derniers résultats, la Belgique sera évidemment une des favorites. Notre autre médaillé d'argent. Peter Timmers. Ouais, parfait, le nageur. Alors lui aussi, sa saison n'est pas finie. Il n'a pas le temps de se reposer, de parader, de profiter. Même s'il a avoué quelque chose hier en revenant à l'aéroport, la première chose qu'il va faire en Belgique, ou alors qu'il a peut-être déjà fait aujourd'hui, c'est manger un paquet de frites. C'est apparemment toujours ce qu'il fait après les grandes compétitions. En dehors du sport, le programme de Peter Timmers est également chargé, puisqu'il va se marier dans une dizaine de jours. Cool. Et ce week-end, il va subir le traditionnel enterrement de vie de garçon. Donc, on va voir ce qu'on va lui réserver. Alors, une fois toutes ces festivités passées, il enfilera de nouveau son petit maillot de bain. Il reprendra les entraînements à la piscine olympique d'Anvers. Puisque d'ici la fin de l'année, il va voyager pour disputer 6 épreuves de Coupe du Monde à Pékin, Dubaï, Doha, Singapour, Tokyo et Hong Kong. Oui, il va voir du pays, Peter Timmers. Et donc, lui, les vacances, il y pensera au mois de novembre. Il faudra qu'il soit patient. Alors, il nous reste 2 médaillés. Les médaillés de bronze qui sont, Cyril? Ah bah, alors, il y a celui qui s'est battu dans le village olympique. Oui, qui s'est battu, enfin qui s'est défendu. On ne connaît pas Il mélange judo et boxe, quoi. Voilà, qui avait un beau coquard, un bel œil au beurre noir, je vais y arriver. Van Tickelt, surnommé l'ours de Brecht. Brecht, c'est d'où il vient. Alors, une fois rentré de Rio, lui, il est allé passer du bon temps au festival Puckle Pop. Et ce samedi, il sera à Gand pour un grand rassemblement de judo. On va y établir un record du Guinness Book, puisque 1000 judokas vont s'entraîner en même temps sur un tatami géant. Van Tickelt en fera partie. À son prochain grand rendez-vous sportif, PC au mois d'octobre, avec le tournoi du Grand Chelem en Chine. Et puis, sa saison se terminera en décembre au Japon. La dernière médaillée, Yoline d'or sur le cyclisme sur piste. Eh bien, elle va justement quitter la piste parce qu'elle fait également de la route. Et un peu comme Greg Van Avermaet, vu qu'elle est une cycliste, elle a encore beaucoup de courses au programme. Et elle attend aussi les championnats du monde en octobre au Qatar. Et moi, j'ai une médaille, j'ai quasiment tout donné, sans tricher. Je pense que ça vaut au moins l'argent. Ah bah ça, c'est gentil, ça me fait plaisir. Vous me l'apporterez tout à l'heure pendant le journal des sports. Merci Jérôme. À tout à l'heure, 18h, un petit peu après 18h pour le journal des sports. 17h40. Vous écoutez le 5 à 7 sur Viva. 5 à 7. Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. C'est peut-être pas une très grande chanson, mais ça va bien avec ce dont je vais vous parler. Je suis de bonne humeur ou pas. Parce qu'en fonction du filtre que vous mettez sur Instagram, on peut tout savoir sur votre état psychologique. Est-ce que vous êtes en dépression? Est-ce que vous allez bien? Alors Instagram, si vous ne connaissez pas, c'est un réseau social où on met uniquement des photos. Ces photos, on les filtre. C'est-à-dire qu'on va mettre des effets sur la photo qui vont la rendre plus ou moins bleue, dorée, argentée, voire noir et blanc. Et en fonction de ces filtres-là, on va pouvoir dire justement quel est votre état mental. C'est pas une info qui sort de nulle part, puisque c'est une étude qui a été réalisée et relayée par le Washington Post. Ils ont analysé 43 950 photos qui ont été postées par 166 volontaires. Et donc deux scientifiques derrière ont analysé tous ces critères, tout l'état des photos, et puis derrière l'état mental des gens. On va en parler avec Jonathan Serighetti, vous êtes chromothérapeute. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Cyril. Bienvenue ce soir sur Vivacité dans 5 à 7. Est-ce que, déjà, est-ce qu'on peut dire que cette étude est correcte? Est-ce que vous avez déjà remarqué ce genre de choses? En fonction des photos qu'on poste, alors là on parle d'Instagram, mais ça pourrait être sur Facebook aussi, en fonction des photos qu'on poste, on peut définir l'état psychologique des gens? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il faut être très prudent avec ce genre de choses. Maintenant, il est vrai que la présence ou non de certaines couleurs de manière générale dans l'environnement d'un individu peut donner des indications sur son profil psychologique ou émotionnel. Mais il faut savoir qu'une couleur a différentes symboliques, que le milieu dans lequel on le met, donc que ce soit par exemple au niveau des habits ou bien au niveau de son environnement, donc au niveau des murs ou bien dans sa voiture, etc., donne une indication supplémentaire sur le profil de la personne. Donc, au travers des filtres que Instagram propose, on pourrait avoir des tendances. À une condition, pour moi, c'est que on retrouve cette tendance dans toutes les photos qu'une personne publie. C'est-à-dire donc que on ne peut pas le faire juste sur une. Oui, se fier sur une, c'est un peu délicat parce que voilà. Ça pourrait être juste un choix artistique. Oui, c'est un choix artistique, ou bien ça peut être voilà l'envie du moment. En ce moment, j'ai envie de quelque chose de plus rétro. À un autre moment, j'ai envie de quelque chose de noir et blanc. Et donc là, ça répond à un besoin du moment. On peut absolument pas baser une personnalité sur ce genre de choses. Maintenant, si par exemple vous avez quelqu'un qui publie essentiellement toujours des photos dans le même ton avec des couleurs très dominantes, là on pourrait éventuellement tirer un profil psychologique de la personne. Mais se baser sur une, c'est toujours très très dangereux selon moi. Ici, ça fait appel à une interprétation propre et sans demander à la personne, c'est tout. Oui, c'est ça. On ne sait pas pourquoi elle a mis cette couleur-là à ce moment-là. Ici, l'idée de l'étude est d'aller un peu plus loin et de se dire que Instagram pourrait peut-être détecter les personnes qui sont en dépression. Donc, dans 70% des cas, des photos qui ont été analysées, donc il y a un algorithme qui a été mis au point, et dans 70% des cas, les chercheurs arrivaient à détecter de manière assez fiable les signes de dépression. Vous pensez que demain, le réseau social Instagram ou Facebook pourra dire « Attention, cette personne-là va mal, il faut s'en occuper ?» Ouais, c'est toujours à double tranchant ce genre de système. C'est-à-dire que si ça se base sur des études scientifiques et qu'il y a un suivi psychologique, ok. Maintenant, si ce genre d'études est publié sur Internet, ça laisse le droit à tout un chacun de dire « Tiens, toi, aujourd'hui, tu as publié ça et donc tu es en dépression. » C'est toujours... l'interprétation au niveau des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre, ça reste une bombe à retardement dans laquelle on peut trouver des chouettes choses et rigolotes, mais on peut aussi détruire des personnes en leur disant certaines choses. Il suffit de poster quelque chose sur Facebook et les réactions sont parfois très virulentes. Et donc, c'est clair. Et donc voilà, et donc agir du côté maladie, dépression, etc., ça reste encore plus délicat parce que les personnes qui sont en dépression parfois au début ne s'en rendent pas compte. Certaines n'ont pas envie non plus de l'admettre, et donc c'est toujours délicat d'amener une personne à admettre déjà et accepter qu'elles sont en dépression à ce niveau-là. Si maintenant on bombarde les gens comme ça. Avec ce genre d'infos, ça peut être très dangereux, d'autant que les réseaux sociaux, par nature, permettent quelque part de communiquer, mais ne permettent plus de communiquer vraiment les émotions qu'on ressent. Oui. Et rien ne vaudra un échange entre deux personnes par rapport à ce genre de technique. Quoi. Ah bah ça c'est bien vrai. Jonathan, si aujourd'hui je veux montrer que tout va bien, que je suis super heureux, je mets une photo de quelle couleur dominante? Bah, si vous voulez exprimer de la joie de vivre, vous irez, on ira plus dans les jaunes ou dans les oranges. Allez, parce que ce sont des couleurs qui sont vivantes, qui apportent le soleil. D'ailleurs, voilà, une fois que le soleil arrive, tout le monde est plus souriant. Et cette couleur-là revient aussi généralement dans les tons qu'on met en été ou bien dans tout ce qui est fête, etc. Ça symbolise aussi, par exemple, le feu, les flammes. Le feu, la base du feu est rouge, les flammes sont oranges, ça bouge, ça mouve, c'est quelque chose qui apporte de la joie de vivre. Eh ben, il reste plus qu'à se déguiser en Pikachu pour faire une photo, alors. Voilà. Merci, Jonathan. Puisque vous avez la couleur orange dans votre logo. Eh ben, effectivement, ouais, on a des beaux papillons orange. Je vous souhaite une bonne soirée, Jonathan. À bientôt sur Vivacité. Merci également. Au revoir. J'ai des cadeaux pour vous. Qui va repartir avec des entrées pour aller visiter l'abbaye de Val-Dieu et plus que visiter, même assister au spectacle 800 reflets. Vous inscrivez pour ça maintenant. C'est des entrées VIP que j'ai pour vous. Le spectacle, c'est le 28 août à 22h30 à l'abbaye de Val-Dieu. Du mapping vidéo, des scènes de son extraordinaires. C'est pour vous, ça. Deux entrées maintenant VIP. Vous envoyez les trois lettres VIP au 6003. Je vous souhaite bonne chance. Dans un instant, je vous parle de la toute nouvelle émission de Sarah de Padua, ça arrive sur la une tout bientôt en télé. Et Sarah a besoin de vous. Un appel à écouter dans un instant. Et puis le cactus de Jérôme de Warzé, c'était ce matin dans le 8-9. On réécoute ça avant 18h. La rentrée approche. Pensez à un des établissements scolaires de l'enseignement libre de Wii. De l'enseignement secondaire général en passant par les filières techniques et professionnelles, vous trouverez toujours la spécialité qui correspond à votre enfant. Notamment agent en accueil et tourisme à Sainte-Marie à Huy, technique sociale à l'abbaye de Flône à Annay, technique artistique au Val Notre-Dame à Antais, mais aussi professionnel électricité à Don Bosco. N'hésitez plus et laissez-vous conseiller au mieux pour son orientation. Vous recherchez un internat pour votre fille? Pensez au Val Notre-Dame ou à l'abbaye de Flône. Delta Construction, spécialisée dans la réalisation de maisons unifamiliales sur mesure, vous invite à découvrir une maison basse énergie à Villers-le-Bouillet, rue de Baudonnier, le week-end du 27 au 28 août de 13 à 18h. Plus d'infos, delta-construction.be. Delta Construction, votre maison comme vous l'imaginez. Ce dimanche, l'équipe RTBF Mobile Info et le Mobicopter Etias survoleront les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation. Si vous revenez de la mer ou des frontières luxembourgeoises et françaises, écoutez les flashs Mobile Info sur Vivacité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicopter Etias et RTBF Mobile Info veillent sur votre retour de vacances. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60€ par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. 5 à 7. C'est sympa les vacances, mais tout le monde ne peut pas partir en vacances. Et justement à ce propos, il y a une nouvelle émission qui arrive à la télé sur la Une. Ça s'appelle Mes Premières Vacances. Ce sera présenté par Sarah de Padua. Alors Sarah, elle se repose à ce soir-ci pour pouvoir vous accompagner demain dans le 6-8. Mais on va en parler de cette émission avec Marie Icard qui est la productrice. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors c'est une émission de télé, mais c'est aussi l'occasion pour des gens qui ne sont jamais partis en vacances de partir. Et justement, c'est là qu'on a besoin de vous Marie. Voilà, exactement. On a besoin des auditeurs de Vivacité parce qu'on cherche encore des duos de vacanciers qui seraient prêts à être emmenés par cette émission. Et donc, c'est très simple. Si parmi vos proches, que ce soit votre famille, vos amis, des voisins, des collègues, je ne sais pas, si vous connaissez des gens qui ne sont jamais partis en vacances à l'étranger et que vous voulez leur faire la surprise de leur vie, c'est l'occasion. Et je pense que je vous allais mettre les coordonnées. Oui, on va tout mettre sur la page Facebook. Alors, ce qui est important à dire, c'est qu'il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire aux gens qu'on les inscrit.

À cet égard, je signale à notre gouvernement que si lui aussi, à l'instar de nos instances footballistiques, décidait de remplacer Charles Michel par un magicien espagnol expérimenté dont le profil était similaire à celui déjà en place, je lui signale que Garcimore est décédé. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Quant au football proprement dit, la Jupiler League a repris ses très chers droits et dans nos clubs phares, il n'y a du mouvement qu'au niveau des transferts. Babona, votre arme contre les insectes. On fait un petit point sur la météo tout de suite, Dominique. Avec de la chaleur et encore de la chaleur pour les jours prochains. Demain, 28 à 34 degrés, puis ça va se poursuivre. Ces conditions estivales, vendredi, 30 à 34 degrés. Si vous allez à la mer, 24 degrés seulement au littoral. Et samedi, encore une belle température jusqu'à 34 degrés aussi. Merci, Dominique. Pour la suite de 5 à 7, dans un instant, mais vos entrées pour le spectacle à l'abbaye de Val-Dieu. Il vous reste quelques minutes pour vous inscrire. Vous envoyez VIP par SMS au 6003. Je vous souhaite bonne chance, c'est maintenant qu'il faut le faire, après ce sera trop tard. Dans quelques minutes, on parlera d'une chasse. Vous savez que la chasse aux Pokémon est hyper tendance en ce moment. Il fait chaud, la chasse aux Pokémon dehors, c'est peut-être compliqué. Il y a une chasse aux livres qui est hyper tendance. Je vous en parle juste après le journal de 18h qui arrive dans quelques petites secondes sur Vivacité. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur les deux, Vivacité et RTBF Ovio. Merci d'écouter Vivacité, il est 18h, voici les titres du journal tout de suite avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir à tous, le bilan dramatique du séisme dans le centre de l'Italie. Cette nuit, près de 80 morts, le bilan ne cesse de s'alourdir depuis ce matin. Nous ferons le point sur la situation dans un instant avec notre correspondante. Chez nous, 30 degrés presque partout en Belgique. La canicule a commencé, elle se terminera dimanche. Pour certaines professions, le mercure monte même encore plus haut, comme pour les pizzaiolo autour de leur four, vous l'entendrez. Et puis en football, l'entraîneur anderlechtois René Weiler réclame des renforts, vous l'entendrez dans le journal des sports. Le journal vous est donc présenté par Justine Hermans, bonsoir. Bonsoir à tous. L'Italie en deuil aujourd'hui après le puissant séisme de cette nuit au centre du pays. Les Italiens ne cessent de compter leurs morts. Valérie Dupont, vous êtes notre correspondante en Italie. Ce midi, il était question de 38 morts, puis dans l'après-midi de 73 personnes disparues. Et le nombre de victimes vient encore d'augmenter. Alors en effet, le bilan vient encore de s'alourdir. Les médias italiens maintenant parlent de plus de 80 morts. Et c'est vrai qu'il s'est fortement alourdi depuis midi où on était resté autour de 38 victimes. Alors il s'est alourdi tout simplement parce que les secouristes ont eu beaucoup de mal à arriver dans les centres habités de ces villages. Et maintenant que les secouristes entrent dans les maisons, ils se rendent compte de l'étendue des dégâts, notamment parce que la secousse de tremblement de terre a été une secousse verticale d'une terrible puissance. Elle n'était qu'à 4 km de profondeur. Et cette secousse verticale qui a duré 142 secondes a fait que les bâtiments se sont vraiment effondrés, les étages sur les étages, ils se sont empilés en quelque sorte. Et donc on découvre des victimes entre les étages de ces bâtiments. Je vous rappelle quand même que ce sont des petits villages de 2 à 3 000 personnes pour certains. Et donc évidemment, il y a des enfants, des grands-parents, des parents qui sont pour le moment encore, personnes absentes, comme on les appelle pour le moment. Et puis il va falloir ce soir penser aussi aux survivants, des survivants qui dormiront ce soir dans des tentes que la protection civile est en train d'installer. Merci Valérie Dupont, notre correspondante en Italie. Je vous rappelle que les régions les plus touchées sont celles d'Ombrie, des Marches et du Latium, dans le centre de l'Italie. Et dans ce tremblement de terre, aucune victime belge. Le porte-parole des affaires étrangères l'a confirmé. Les principaux tours opérateurs rassurent, ils ont peu, voire pas, de clients belges dans les régions touchées. Toujours à l'étranger, l'offensive menée par la Turquie à sa frontière avec la Syrie est fulgurante. Des chars turcs ont pénétré ce matin en territoire syrien. Ils sont accompagnés de centaines de rebelles syriens entraînés par la Turquie. L'objectif de cette opération, déloger les djihadistes du groupe terroriste État islamique d'une ville stratégique, celle de Jarablus. Et alors qu'il est, les combattants syriens l'ont déjà atteinte. Les Américains soutiennent cette opération qui vise pourtant notamment à éloigner leurs alliés kurdes de cette zone sensible. Le leader des Kurdes de Syrie parle d'agression flagrante et le pouvoir syrien dénonce une violation de sa souveraineté. Les kits de premiers soins adaptés aux attentats arrivent chez les pompiers, du nouveau matériel pour contrôler les hémorragies graves comme des pansements compressifs et des garrots. C'est la Fondation des Brûlés qui a permis de concrétiser le projet. Chaque kit vaut 200 euros et il doit permettre aux pompiers de sortir des victimes vivantes d'une zone de danger en cas d'attentat. Il équipera les véhicules de première intervention. Il fait chaud, très chaud cette semaine, alors ça ne nous dispense pas de travailler. Alors si on a l'air conditionné, ça peut passer, mais certains n'ont pas le choix, ils doivent se frotter à des très hautes températures. Une trentaine de degrés à l'extérieur, pire encore à l'intérieur, 50 degrés. C'est ce à quoi sont confrontés les pizzaiolos derrière les fourneaux, devant leur four et surtout face à la canicule. Il fait très très chaud, mais c'est le métier qu'elle veut ça. Comme quelqu'un qui travaille dans les mines, c'est pareil, eux aussi, dans la chaleur et tout ça. Mais c'est leur métier, leur travail, leur gagne-pain. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. C'est pas trop l'enfer de travailler là maintenant dans cette chaleur derrière les fourneaux? Ben avec la chaleur, c'est la soif, beaucoup soif, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est une question d'habitude aussi. C'est quoi le plus dur? De rester concentré sur le travail parce qu'il fait vraiment vraiment très chaud derrière les fourneaux. Imaginez qu'il fait 33 degrés dehors. Derrière les fourneaux, c'est plus ou moins 50 degrés, quoi. Donc il faut vraiment s'hydrater beaucoup. D'autres astuces? Travailler en t-shirt au lieu d'une veste de cuisine, à part ça, on ne sait rien faire d'autre. Des témoignages recueillis à Liège par Lorraine Macoubicois. Après les pizzas, le miel, les abeilles de Jette ont bien travaillé cette année. 23 kilos au total, soit une centaine de pots. C'est le bilan de la récolte de la ruche installée sur le toit de la maison communale en 2014. Après une première année d'acclimatation, les 50 000 abeilles ont trouvé leur rythme de croisière. Et leur miel, la population jettoise peut maintenant y goûter. Il sera également offert aux jeunes mariés. Et aujourd'hui, une dégustation était offerte dans le hall de la maison communale. Jérôme Durand a rencontré quelques gourmands. Le meilleur miel, c'est celui qu'on préfère. C'est mon préféré, bruxellaire quoi. C'est la file pour découvrir ce miel urbain dont la production augmente chaque année. Didier Paternotte, l'apiculteur communal. L'apiculture est devenue un hobby qui est en pleine expansion. Tous les deux ans sortent 75 apiculteurs diplômés à Bruxelles. Il y a au moins environ 300 endroits à Bruxelles où il y a des ruches. Vous venez d'acheter du miel, il est bon alors? Oui, oui, il est bon. Et il y a moins de pollution que dans les campagnes, paraît-il. Alors, Oui, il paraît que le miel est meilleur en ville qu'à la campagne. C'est ça, oui. Oui, oui, c'est ce qu'on dit. Et le fait qu'on fasse du miel en ville, pour vous, c'est un bon signe? Tout à fait. Je suis bruxellois 150% depuis 70 ans et je me dis que si ma ville peut redevenir saine, c'est le but. Hein. Bonne nouvelle pour les futurs mariés jettois, ils recevront désormais un pot de miel le jour J. Mais l'échevine de l'environnement, Claire Van de Vivereux, veut aller plus loin. Avoir un label jettois de miel jettois. Nous avons quand même plus d'une quarantaine de ruches, donc ça fait énormément de kilos de miel chaque année. Il y aura un cahier de charges auquel il faudra répondre, il faudra être inscrit à l'AFSCA. Moyennant cela, les apiculteurs de Jette pourront vendre leur production sous le label miel jettois. Comment un pot, s'il vous plaît? Vous voulez un pot doux? Voilà, des dizaines de kilos de miel à Jette, vous pouvez le goûter à présent. Ça donne envie d'une petite cuillère de miel. Vous avez une préférence, vous, pour le miel? S'il y a le liquide, il y a celui qui est plus épais. Plutôt liquide. Comme ça, on peut le manger à la petite cuillère facilement. Ah ouais, bah on le mangera pas ensemble. Moi, j'ai plutôt miel épais. Tant pis. Voilà, tant pis. Bonne soirée, Justine. Dans un instant, le journal des sports. Tout de suite, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Est-ce que ça coince à 18h07? Pas mal de petits soucis quand même avec un motorhome en panne sur le ring de Bruxelles, en extérieur, autour de Zaventem. La circulation est ralentie, bien évidemment. Puis un accrochage qu'on vient de nous signaler dans l'échangeur du carrefour Léonard. La bande du milieu est neutralisée. La circulation est ralentie depuis Overhays, un embotel reliant le 411 venant de Namur au ring de Bruxelles vers Zaventem. Alors le point sur le ring, plus 21 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 17 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 16 pour l'extérieur Grand Bigard au titre et plus 13 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Ça tend à la diminution, on va pas se réjouir trop vite. Accident camion-voiture sur le 19 Bruxelles-Mons, peut avoir l'entrée du chantier de Mézières, ralentissement en direction de Mons, des travaux sur le 42 Prume Baptiste, vous ralentissez vers Baptiste, vous perdez une dizaine de minutes entre Sarlespa et Poller. Puis on rappelle cet accident important sur le 40 Ostende Bruxelles à hauteur de Drangen. Vous perdez une vingtaine de minutes en direction de Bruxelles et puis une dizaine de minutes également en direction de la Côte. Mais là, ce sont des curieux qui ralentissent. 35 minutes de perdu, 35 minutes de retard sur le 40 Yabé-Calais entre La Panne et Givelle de vous passer en France. 20 minutes perdues sur le 17 en Verse-Lille à partir de Albay pour également à accéder à la France. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Vivacité, le journal des sports. On retrouve Jérôme Elgars pour nous parler de sport et on va parler de football. Le mercato anderlectois inquiète toujours autant le nouvel entraîneur des Mauves. René Weiler cherche un peu de stabilité entre les nombreux départs et rumeurs de transfert. Et puis le tacticien suisse l'a encore répété aujourd'hui en conférence de presse. Il a besoin de renforts, notamment dans l'entrejeu suite au départ de Steven Defour à Burnley et de Dennis Pratt à la Sampdoria. La transaction a été officialisée cet après-midi. Pratt a signé son contrat avec la Sampdoria de Gênes. René Weiler veut lui trouver un remplaçant. On a besoin encore des joueurs au milieu, ça c'est clair. On a perdu maintenant Defour et Pratt, ce sont des joueurs au milieu. On discute aussi la poste dans la défense. On discute aussi un attaquant. On a aussi me demandé qu'est-ce qui se passe avec Sia. Il est toujours là avec sa tête. Physiquement, il est encore là. S'il n'est plus là, on a besoin d'un nouvel attaquant. Peut-être on a besoin aussi, s'il est encore là, ce sont des joueurs qu'on a besoin. Propos recueillis par Ebi Brouzakis, difficile d'être plus clair. René Weiler veut des renforts pour compléter son noyau. La direction Mauve a encore une semaine pour faire son petit marché. En attendant, Anderlecht reçoit le Slavia Prague demain en barrage retour de l'Europa League. À l'aller, le Sporting s'était facilement imposé 0-3. Et ce soir, c'est le barrage de Ligue des Champions qui nous intéresse. Après l'élimination surprise de la Roma hier, Manchester City devrait lui rejoindre la phase des poules sans trop de problèmes. Kevin De Bruyne et ses équipiers s'étaient imposés 0-5 à l'aller contre le Steaua Bucarest. Au programme, il y aura également la suite du deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. 4 matchs avec notamment le Burnley de Steven Defour qui se déplace à Accrington, club de D4 anglaise. Enfin, toujours en football, le grand nettoyage continue à l'Union belge. La fédération a décidé de se séparer de son secrétaire Piet Huys. Il occupait cette fonction depuis 27 ans. Le cuisinier William Wouters a lui aussi été remercié. Le soleil brille sur le circuit de Spa-Francorchamps et c'est évidemment une bonne nouvelle avant le Grand Prix de Belgique ce dimanche. Les camions déchargent le matériel et les paddocks se préparent. Les pilotes, eux, arriveront demain. En attendant, cette bonne météo va favoriser la vente des tickets. Une billetterie déjà en nette hausse. 70 000 places ont été vendues et on attend plus de 200 000 personnes sur tout le week-end. Une affluence qui s'explique notamment par la présence du pilote néerlandais Max Verstappen. Le prodige de 18 ans attire beaucoup de supporters néerlandais pour qui le déplacement en Belgique n'est pas très long. André Maas, directeur général de la société Spa Grand Prix. On est près de 20% en augmentation par rapport à l'année dernière au même moment, donc c'est effectivement très très intéressant. Et je pense que c'est principalement dû à l'effet Max Verstappen, parce que nous constatons que la majorité de ces augmentations vient du public hollandais, principalement. Max Verstappen qui est hollandais, mais qui a des origines belges aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il a toujours la double nationalité, même si son papa l'a poussé à devenir hollandais plutôt que belge pour des raisons sportives, je pense. Mais ça n'empêche qu'il est également très apprécié par les Belges également, puisqu'il a vécu et il vit toujours en partie chez sa maman du côté d'Hasselt. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vendu autant de billets à cette période. Oui, tout à fait. Je pense que pour avoir un chiffre similaire, il faut retourner dans les années 2001-2002. Là, on avait généralement ce type de fréquentation et c'était l'effet, à mon avis, à l'époque Schumacher. André Maas, le directeur général de la société Spa Grand Prix au micro de Pierre Capard. Précisons que les guichets seront encore ouverts ce week-end et dimanche avant la course. Et si vous ne vous rendez pas à Spa, vous pourrez suivre ce week-end de F1 sur tous les médias de la RTBF. En cyclisme, très bonne journée pour nos coureurs belges. Gianni Meersman s'impose de nouveau sur le Tour d'Espagne. Vainqueur lors de la deuxième étape, le coureur Etix Quickstep a récidivé sur la cinquième. Victoire au sprint, Philippe Gilbert a placé une attaque dans les deux derniers kilomètres, mais il a été repris par le peloton. Plusieurs chutes ont perturbé la fin de l'étape. Le néerlandais Steven Kruiswijk a d'ailleurs abandonné. Darwin Atapuma reste leader du général. Et puis, autre victoire belge autour du Poitou-Charentes en France avec Tom Van Asbroek. Là aussi, dans un sprint chahuté où Nasser Bouani est tombé. Rayon transfert, l'équipe Wallonie-Bruxelles laisse filer son meilleur coureur. Baptiste Plancarte, actuel leader du classement UCI européen, réalise une très bonne saison et il a tapé dans l'œil de l'équipe Katusha. L'an prochain, Plancarte roulera donc pour la formation russe. En bref encore, l'haltérophilie est une nouvelle fois troublée par une affaire de dopage. 15 haltérophiles ont été contrôlés positifs suite à la réanalyse d'échantillons datant des Jeux de Pékin. Parmi ces 15 tricheurs, on retrouve tout de même 11 médaillés des JO de 2008, dont 3 championnes olympiques chinoises. Elles sont déchues de leur titre olympique. Les autres cas de dopage viennent des pays de l'Est, Biélorussie, Kazakhstan, Russie et Ukraine. Et puis on va terminer sur quelque chose de bien plus positif. Des encouragements pour tous les trailers qui vont participer cette semaine aux différentes courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Certaines ont déjà débuté aujourd'hui. Des parcours un peu fous qui empruntent les sentiers français, suisses et italiens autour du Mont Blanc. Des kilomètres à avaler et de grands dénivelés à digérer. L'événement rassemble plusieurs centaines de sportifs et sportives belges. Courage à eux. Mais ils sont fous. Oui. Ils aiment bien se faire mal. Mais s'ils ont la même météo qu'ici, ça va. Ah oui, c'est vrai que le Mont Blanc, par ce temps-là, ça doit être cool quand même, parce qu'il fait un peu plus frais. Voilà, il fait un peu plus frais, mais s'il fait sec et qu'il y a du soleil, c'est parfait, parce qu'on pourrait très bien avoir une toute autre météo aussi. Ah ouais, dans la boue. 5 degrés, du brouillard, enfin voilà. Les marmottes qui viennent vous faire des croche-pieds. Parce que ces joggeurs-là courent aussi la nuit, donc c'est mieux d'avoir un beau temps bien éclairé avec la lune qui fait office de lampe de poche. C'est vrai que autant se faire mal 24 heures sur 24, il n'y a pas de raison. Merci Jérôme. Dans un instant, c'est la suite du 5 à 7. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Et on va démarrer cette deuxième heure de 5 à 7 avec Carmela qui est au téléphone. Bonsoir Carmela. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir à l'équipe. Bien, oui, surtout maintenant que vous m'appelez. Ah bah, je vous appelle pour une bonne chose, hein, ça repartait avec des cadeaux. On va y revenir dans un instant, Carmela. Carmela, est-ce que vous avez déjà chassé le Pokémon depuis qu'on parle de ce phénomène, depuis quelques semaines? Honnêtement, non. Non. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre à chasser des livres? Ah oui. Ça vous parle? Eh bien, restez là parce que dans un instant, je vais vous parler justement d'une chasse aux livres qui est organisée. Il y a un groupe Facebook qui a été lancé, il y a déjà plus de 28 000 personnes dessus. C'est la folie, on en reparle dans un instant. On parlera de l'application Pokémon Go, même si vous ne l'avez pas, mais vous avez un compte Facebook, Carmela? Non. Plus? J'en ai eu, mais je n'en ai plus. Ah, et vous avez coupé, pourquoi vous avez coupé? Honnêtement, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir d'intimité, qu'il y avait des gens qui se faisaient justement. Justement, on va parler du droit sur la protection des données personnelles parce que l'application Pokémon Go ne respecterait pas cette règle. Et puis, on en parle souvent avec Facebook, avec tous les réseaux sociaux et toutes les applications sur mobile. On y revient tout à l'heure dans l'émission. Et puis, tout à l'heure, il y aura les enfants de cœur aussi sur Vivacité. Mais Carmela, si vous êtes là, c'est parce que vous avez envoyé un SMS pour repartir avec des entrées pour aller voir le spectacle à l'abbaye de Val-Dieu. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Eh bien, je vous envoie vos deux entrées VIP. C'est pour vous, Carmela. Vous serez la star de la soirée, le 28 août. Oh. Ah bah oui, à 22h30, le spectacle commence et vous serez invité, tapis rouge, tout ça. Vous serez bien, d'accord? Oh, super, super. Oui, franchement bien. Je vous embrasse, Carmela. Je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à bientôt. Moi aussi. Une bonne soirée. À bientôt. À tout grand merci. Au revoir. Vous cherchez l'amour sur Internet. Vous avez donc besoin d'un PC portable. Cash Converters. Cash Converters vend des milliers d'objets d'occasion. Rien que de bonnes affaires et avec garantie. Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. Liste des magasins sur cashconverters.be. Vous avez du talent et recherchez un métier motivant? 80% de nos diplômés décrochent un job ou créent une entreprise dès la fin de leur formation. Pourquoi pas vous? Le centre IFAPME Liège-Ouïwarem propose des formations dans plus de 100 professions, notamment en alternance. Toutes les informations sur centre-lhw.ifapme.be ou au 04 229 84 00 à Liège et 085 27 13 40 à Villers-le-Bouillet. Ce 22 août, l'école de coiffure et biostétique Peter rouvrira ses portes. Découvrez les sections coiffure, esthétique, aide familiale, gestion et animateur, mais aussi les 7e artistique, patron coiffeur, gestionnaire de salon de beauté et aide-soignante. Inscription du lundi au vendredi de 9 à 16h. Renseignements 31 rue du Peter, 04 343 92 91 ou sur www.peter.be. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine équipée? Et si nous la concevions ensemble? Design fonctionnel et parfaitement équipé. Cuisson à induction, four multifonction, lave-vaisselle intégrée, Ego vous offre jusqu'à 2500 euros de remise sur l'électroménager. Conditions sur ego.be. Ego, la cuisine de ma vie. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Babona, votre arme contre les insectes. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Aujourd'hui, c'est clair qu'il fait très très chaud. Alors, les chasseurs de Pokémon sont contents puisqu'ils vont pouvoir chasser au soleil, mais il fait peut-être même un peu trop chaud pour le faire. Où est-ce qu'il fait frais? Alors, on s'est posé la question avec l'équipe, on s'est dit, tiens, dans les bibliothèques, peut-être qu'il y a un petit peu d'ombre, peut-être que là, vous pouvez vous rafraîchir, et ça tombe bien, parce qu'au moment où il y a le phénomène des chasseurs de Pokémon, il y a aussi un nouveau phénomène qui naît depuis quelques semaines, c'est le chasseur de livres. Il y a un groupe sur Facebook qui a été créé, 35 288, c'est le nombre de membres, alors que le groupe a été créé seulement le 12 août. On va en parler avec sa créatrice, Aveline Grégoire. Bonsoir Aveline. Oui, bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7, merci d'être là ce soir. Alors vous avez, le 12 août, pris la décision de lancer un groupe Facebook et depuis, c'est la folie, ça marche super bien. Alors comment ça se passe? Expliquez-nous le concept de ces chasseurs de livres. Bien, on prend des livres dans sa bibliothèque, des livres en double, des livres qui n'y ont plus peut-être aussi. Ouais. Et puis on les met dans un sac hermétique parce que là il fait beau, mais c'est pas toujours le cas. Oui, c'est sûr. Et oui, parce qu'il y a quelques jours c'était moche. Et puis on, soit on glisse le petit mot qu'on peut trouver sur le groupe Facebook, ou soit on écrit un petit mot de son cru. Il y a pas de souci, hein, c'est pas une obligation. Et sur le petit mot, il est indiqué que c'est un livre qui est abandonné, libéré, peu importe, que les gens peuvent le prendre, qu'ils le lisent et puis qu'ils le remettent dans la nature. Voilà. Et donc là, c'est sympa. On peut avoir des infos sur les endroits où se trouvent ces livres ou où il faut vraiment chercher. Oui, en fait, il y a deux manières de faire. La première manière, ça c'était celle qui me plaisait le plus au départ, c'était trouver un livre un peu par hasard, comme ouais. Ça. On tombe sur un livre, c'est toujours génial. Mais c'est vrai que les membres du groupe en ont fait ce que c'est maintenant, et c'est vraiment chouette aussi. C'est un petit peu comme les géocaching, où on voit un petit peu les endroits où ça se trouve, on donne des indications, et puis à ce moment-là, ben, les gens cherchent les livres à ces endroits-là. Ce qui permet déjà de tomber dessus sans peut-être trop chercher non plus. Parce que si on dit sur toute la Belgique chercher des livres, c'est compliqué. Oui, quoi. Mais bon, non, on sait, si on habite dans telle région, par exemple, moi j'habite Spi, si on habite Spi, on peut taper Spi dans la petite loupe. C'est ça, à ce moment-là, on sait où il y en a. On sait qu'il y a des livres sur Spi, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, Aveline, vous êtes la créatrice de ce groupe Facebook, mais vous êtes aussi directrice d'une école à Farciennes. Est-ce que vous trouvez qu'on lit plus assez? C'est pour ça que vous avez lancé cette initiative? Finalement, je ne sais pas si on ne lit plus assez, parce que vu le nombre de personnes qui rejoignent le groupe sur une journée. Mais alors, petite précision, voilà. C'est qu'on rejoint le groupe sans toujours le vouloir. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai cherché à vous contacter tout à l'heure pour l'émission et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais membre du groupe, sans jamais rien avoir fait. Ce qui ne me dérange pas, mais j'ai rien demandé. Oui, en fait, au départ, j'ai invité mes amis ont invité leurs amis, etc. C'est comme ça que ça commençait. Mais évidemment, mes amis n'ont peut-être pas eu envie non plus de se retrouver sur le groupe, hein. Ça, c'est certain. Mais je crois qu'on se prend au jeu et bah exactement, on a bien un petit livre à abandonner quelque part, comme ça. Et on n'est pas très difficile sur le type de livre, hein. Ça peut être un roman, ça peut être un livre pour enfants, ça me plaît bien aussi. On a été aussi rejoint par le groupe, le site enseignants.be, ils vont bientôt lâcher des livres pédagogiques ce week-end, aux abords des écoles bien sûr. Donc vous voyez, c'est un petit peu, on peut, toutes sortes de livres, c'est vraiment, vraiment très chouette, voilà. Eh ben, merci pour cette belle initiative. Je rappelle le nom du groupe sur Facebook si vous voulez le rejoindre. Ça s'appelle Chasseurs de livres. N'hésitez pas à chercher autour de chez vous s'il y a des livres à récupérer. Et ça peut être bien sympa de vous aussi les mettre donc à disposition des gens. Merci Aveline. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt. Ben, évidemment. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Dans quelques minutes, dans le 5 à 7, on saura qui repart avec des nouveaux cadeaux. Parce que oui, tous les soirs, on fait plaisir dans le 5 à 7. Je vous fais découvrir des activités à travers toute la Wallonie tous les soirs grâce au beau vélo de Ravel et à 365.be. Je vous en reparle dans un instant sur Vivacité. 5 à 7. Tous les soirs dans le 5 à 7, on fait un petit détour par la cuisine. On va retrouver Candice Cotter. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Alors ce soir, j'ai envie de vous donner quelques bonnes adresses. De temps en temps, on a envie de se faire plaisir à l'américaine avec un burger digne de ce nom. Oui, ça nous arrive. Oui, à un moment, il faut assumer le truc. La junk food gastronomique a vraiment acquis ses lettres de noblesse ces dernières années. Elle est devenue tellement mode que les maisons qui se dédient à la cause du burger qui déchire pullulent. Pullulent comme des tranches de ziz, si vous voyez un peu l'idée. C'est dire. Je vais vous donner le top 3, mon top 3, des burger bars dans la capitale. Pourquoi la capitale ? Parce que c'est le fief des tendances internationales. Vous en avez ailleurs, mais à Bruxelles, par la force des choses, vous avez énormément de maisons qui se sont lancées dans l'aventure. Troisième place, le Burger République. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc. Alors, pas du tout celui-là. Terrible de chez terrible. Le Burger République, c'est chaussé de leur gâte à XL. Vous avez des aliments de qualité, choisis avec soin. Ce qui est top, c'est leur viande. Ils choisissent des bœufs Black Angus, donc vous avez vraiment un truc qui est magnifique au niveau de la viande, servi dans des pains artisanaux. Vous avez un restaurant, pour ceux qui sont sensibles à ça, qui se veut écologique à plusieurs points de vue, emballage, nettoyage, boissons servies dans des verres, etc., etc. Et vous y mangez, par exemple, le Burgosaurus. Le Burgosaurus, c'est un hamburger pur bœuf, donc Black Angus, avec du provolone, donc on est dans un fromage espagnol magnifique, du lard fumé, de la sauce barbecue, une mayonnaise au piment, un petit relish de cornichon, des oignons rouges. On n'est pas dans le truc banal. On est vraiment dans le burger, un peu haut de gamme. Ils en font avec du caviar d'aubergine, du confit d'oignon. C'est vrai que c'est criminel très bon. Ce que vous faites là. Parce qu'il y a des gens qui sont en voiture gentil. Qui ne peuvent pas manger là pour le moment. Ah, mais je n'ai pas dit que c'était gentil. Oui, d'accord. Hein. Okay. Ah, non. Ah, mais si vous en êtes consciente, on continue. Et encore, je n'ai pas dit. Hein. En même temps, si vous allez voir, ça va devenir pire. Parce que là, c'est la troisième place. Deuxième place, le Manhattan's. Le Manhattan's vient de s'ouvrir. Avenue Louise, Bruxelles. Ici, c'est New York. Donc, vous avez vraiment l'ambiance new-yorkaise, la déco, tout y est. Vous avez des frites faites maison. Une viande de bœuf irlandaise maturée, donc on a encore une autre saveur de bœuf. Si vous n'avez jamais mangé de viande maturée, c'est l'endroit. Vous avez une saveur incomparable. Vous avez le pain qui est une brioche à l'huile d'olive, donc c'est vraiment poussé, quoi. C'est vraiment à la première bouchée. Vous avez le truc, c'est le plus cher des trois, donc faites gaffe si vous faites attention à ça. C'est le plus cher des trois, mais vous avez vraiment des trucs qui sont assez exceptionnels, du style l'Empire Cheeseburger. Donc ça, c'est ce bœuf maturé avec du cheddar. Leur sauce secrète, ça, c'est terrible. Voilà. Elle est dingue. Wafou, cornichon, petite laitue. Vous avez le Rockefeller qui est aussi super bon avec le bacon croustillant, les oignons caramélisés, la sauce barbecue. C'est vraiment tout, tout bon à essayer si vous aimez ça. Et le number one dans le classement du jour, c'est le Marcel Burger Bar. Alors le Marcel Burger Bar, il est situé rue Américaine à XL. Les buns super frais, pétris par leur propre boulanger, le fromage moulé, affiné par leur propre fromager, une petite ferme de leur terroir, de leur région qui fait leur fromage, des viandes d'exception avec leur propre boucher, les frites épluchées coupées main, donc on est vraiment dans un truc clé sur porte. Vous avez le burger Marcel, gna, oignon cru, menthe, persil plat, juste terrible. Vous en avez un à l'agneau avec du gouda au cumin qui est juste parfait. Et vous avez, et ça c'est super chouette, un vegan, donc un végétarien, avec du kale, le fameux chou à la mode, du quinoa, de l'avocat, un truc santé, mais voilà, qui va vous transporter. J'en ai envie maintenant, Cyril. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on y va. On ferme la boutique. Allez, c'est comme ça. Nouveau 5 à 7, demain, 17h, sur Viva. Bonne soirée, Candice, à demain. On fait des blagues, non, on va rester quand même avec vous jusqu'à 19h, c'est le 5 à 7, avec dans un instant une application qui va vous permettre de parler avec des morts. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans quelques minutes, et puis je vous parlais de Cadeau qui va repartir avec des accès pour aller découvrir un site wallon plutôt sympa. C'est maintenant que ça se passe pour vous inscrire, 4 entrées pour aller au château de Lavaux-Sainte-Anne. Pour vous inscrire, vous faites simplement un petit SMS dans lequel vous tapez Ravel, vous envoyez ça au 6003 pour 75 centimes, le message. Je vous dis bonne chance et à tout de suite.

30 degrés jusqu'à la fin de la semaine. Demain, 28 à 34 degrés. Vendredi encore, 30 à 34 degrés. Si vous allez à la mer, vous aurez un peu plus de chances de moins suffoquer, si on peut dire comme ça. 24 degrés, quelques nuages, mais inoffensifs. Donc, vous voudrez prendre l'air de ce côté-là. Samedi encore, 28 à 34 degrés, avec quelques nuages plutôt sur l'ouest de la Belgique. De ce côté-là aussi, ça sera sans doute un tout petit peu plus frais. Puis dimanche, toujours ce temps très très chaud. Plus de nuages en soirée et forcément, ça va entraîner quelques coups de tonnerre et qui annonceront un changement de masse d'air pour le début de la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, un peu pourrie, mais on profite de cette semaine. C'est ça que vous dites, en gros. En résumé. Merci Dominique. On part sur les routes tout de suite. Le RTBF Mobile Info, c'est avec Pierre Collard-Bovy. Est-ce que vous êtes là, Pierre Collard-Bovy? Oui, mais je suis en train de regarder la carte parce que vous m'avez donné à manger. Vous m'avez donné faim. Ah, mais vous voudriez, vous voudriez, je vais arriver à faire une phrase, manger quoi ce soir, par exemple, pour vous rafraîchir? C'est un peu simple, peut-être, mais une bonne côte à l'os ou une entrecôte, en tout cas, pourquoi pas, quoi. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, voilà. Avec un peu de taboulé. Eh ben oui, la simplicité, c'est efficace aussi. Hein. Sinon, sur les routes. Bon, quelques ralentissements dans les tunnels de la capitale, c'est assez habituel. Mobilhome est en panne sur le ring de Bruxelles, en extérieur, à hauteur de Zaventem. La circulation est ralentie puisque c'est sur la bande de gauche qui est encombrée. Un accrochage dans l'échangeur du carrefour Léonard, la bande du milieu est neutralisée. Circulation fortement ralentie à partir d'Overijs dans la bretelle reliant le 411 venant de Namur au ring de Bruxelles vers Zaventem. Les temps de parcours, encore 23 minutes supplémentaires quand même pour le trajet Zaventem-Grand Bigard en circulation extérieure. Plus 15 minutes pour l'extérieur carrefour Léonard-Zaventem, plus 12 minutes pour l'intérieur Zaventem-Carrefour Léonard et plus 10 minutes pour l'intérieur. Au titre Grand Bigard, des feux de signalisation hors service à Moustier-sur-Sambre. C'est au carrefour de la N90 et de la rue de la Station. C'est une panne qui pourrait durer quelques jours, nous dit-on malheureusement. Soyez extrêmement prudents, évidemment. 10 minutes perdues en direction de Baptiste dans les travaux sur le 42 Prume-Baptiste entre Sarlespa et Poller. Fin de l'accident grave sur le 40 au stand de Bruxelles à hauteur de Drongen. La chaussée est rouverte, mais il y a encore quelques ralentissements puisque ceci était assez important. Il faut que les fils se résorbe bien évidemment. Et puis au poste frontière, 35 minutes perdues sur le 40 Yabé-Calais entre La Panne et Guiveld et 20 minutes perdues sur le 17 envers Lille à partir de Halbeek. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7 avec Cyril. Et il y a du gros dossier avant la fin de l'émission. Il y a une application au Japon qui est en développement. L'idée qui a été créée par une entreprise de pompes funèbres, c'est de laisser des messages que les autres pourront voir quand vous serez décédé. Alors c'est un peu glauque, mais parler avec les morts, c'est quelque chose qui existe déjà. Alors certains y croient, certains n'y croient pas. On verra ça dans un instant. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec l'au-delà, avec un spécialiste de la chose? Et oui, ça arrive avant 19h. Les enfants de cœur seront là aussi tout à l'heure dans le 5 à 7 sur Vivacité. On va retrouver l'histoire de Void comme tous les soirs. Heureusement que Marc Touesca est là pour nous raconter tout ça. Ce sera dans quelques petites minutes sur Vivacité. Mais juste avant, on va s'intéresser à l'application Pokémon Go. Ben comme tous les soirs, on en parle. Un 5 à 7 sans parler de Pokémon Go n'est pas un vrai 5 à 7 en ce moment. C'est toujours autant la folie. Tout le monde télécharge cette application. Enfin, beaucoup de gens en tout cas chassent les Pokémon. Et aujourd'hui, il y a un député européen qui a décidé de déposer une requête auprès de la Commission européenne disant que Pokémon Go viole le droit sur la protection des données personnelles. Alors, il explique que quand on télécharge l'application, si on veut jouer, on est obligé d'accepter les conditions d'utilisation. Qu'ensuite, il y a des cookies qui se mettent en place dans votre téléphone. Donc, on sait ce que vous avez fait. Quel est votre historique avec l'application? Et alors, plus étonnant aussi, que la dernière page web que vous avez visitée est analysée par l'application développée par la société Niantic. Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va parler à Maître Didier Chaumont. Vous êtes avocat spécialisé en nouvelles technologies. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors, première question, est-ce que, d'après vous, Pokémon Go viole vraiment la protection des données personnelles? Comment est-ce qu'on sait si cette application, plus qu'une autre, viole cette protection? Votre question est très intéressante. Évidemment, il n'est pas possible de vous répondre comme ça à brûle pour point à cette question-là. Alors la pratique qui est utilisée par Pokémon Go, elle se retrouve dans un très grand nombre d'applications. Elle se fonde sur le consentement de la personne qui va être obtenu de différentes manières. Alors dans le cas de Pokémon Go, le consentement est obtenu par l'utilisation de l'application. En utilisant l'application, ouais, vous acceptez forcément les conditions d'utilisation qui sont définies dans une politique de vie privée. Et donc, Pokémon se base sur votre consentement pour traiter vos données. Alors le nœud du problème, c'est est-ce que ce consentement est valide ? Ah oui, parce qu'on ne lit pas les 12 pages de conditions d'utilisation généralement quand on s'inscrit. Voilà, exactement. Mais c'est déjà cette politique de vie privée, elle est accessible. Et je dois vous l'avouer que moi, je l'ai lue et elle est accessible. Elle est accessible même à des non-juristes, elle est relativement claire. De fait, elle est longue, mais elle est accessible. Donc, je veux dire, j'ai déjà vu des politiques de vie privée qui sont noyées dans des conditions générales beaucoup plus importantes. Donc, je pense que celle-ci, tout à chacun peut la parcourir et déjà avoir une assez bonne idée de l'utilisation qui va être faite de vos données. Est-ce que le débat est réellement important ? Je vous pose la question, parce qu'en se disant, quand on a un smartphone, quand on va sur Facebook étaler sa vie privée, quand on joue là-dessus, finalement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de personnel qui va être volé ? Et surtout, à partir du moment où on l'installe, est-ce qu'on n'est pas d'office d'accord de se dire que, ben oui, l'application, elle va savoir où on est, puisque c'est le concept même de l'application ? Tout à fait. Alors là-dessus, il faut bien distinguer quel type d'utilisation va être faite de vos données. Alors, on peut imaginer que tout à chacun s'imagine bien, dans le cadre de l'application Pokémon Go, que ces données de localisation, par exemple, vont être exploitées. L'application fonctionne sur base de l'identification, de la géolocalisation des utilisateurs. Donc, forcément, vos données qui vont être collectées via votre GPS dans votre téléphone vont être utilisées. Alors, ce qui est un peu plus problématique, et là, je rebondis sur l'exemple que vous avez cité en introduction, c'est, par exemple, si des cookies sont installés et qui vont suivre les pages web que je vais consulter. Là-dessus, on peut véritablement se poser la question. Là, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc, il y a un principe de base en matière de traitement des données à caractère personnel, c'est que les données qui sont collectées, elles doivent être nécessaires et adéquates par rapport aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Donc, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, c'est logique que les données GPS ou que votre appareil photo soit utilisé dans le cadre d'une application comme Pokémon Go. On peut se poser la question de l'utilité de collecter des données relatives à ma navigation Internet, par exemple. Quel est l'intérêt, quelle est l'utilité pour Pokémon d'utiliser ce genre de données dans le cadre de l'application ? Et ça, il y a un moyen de le savoir. Sincèrement, vous croyez que Niantic va dire « Ah, excusez-nous, on va changer nos règles ». Alors, le rôle de la Commission européenne, c'est de vérifier, d'une part, si le consentement qui est obtenu est valide et répond aux conditions qui sont posées par la loi et par la réglementation européenne, mais aussi d'examiner quelle est l'étendue des données qui sont collectées et via quels moyens. Alors, si il s'avère que, comme ça a pu être le cas pour d'autres réseaux sociaux très connus, s'il s'avère qu'il y a des données excessives qui sont collectées, là-dessus, on pourrait tout à fait imaginer que la Commission européenne ou d'autres autorités compétentes enjoignent Pokémon de limiter la collecte de ces données. J'ai l'impression que la collecte de données sur Internet, c'est une info qui revient quasiment tous les jours dans l'actu. Est-ce qu'on n'est pas en train de se battre contre quelque chose sans fin ? Alors, c'est là tout le débat. De fait, le volume de données qui sont générées chaque jour croît de manière exponentielle. Et il faut savoir que ces données, d'abord, sont souvent indispensables pour vous fournir le service que vous avez demandé. Mais au-delà de ça, ces données ont aussi une valeur extrêmement importante pour les sociétés. Et donc, évidemment, l'accumulation de ces données et leur exploitation a un intérêt pour les sociétés. D'accord, ben merci pour vos précisions, maître. On y voit un petit peu plus clair dans ce dossier et on suivra ça de près. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir, il est 18h40 et on parle tout de suite là encore des Pokémon. Dominique, parce qu'il y a une info qui vient de tomber concernant l'application Pokémon Go. Oui, vous pourrez retrouver cette info sur le site rtbf.be. Les Pokémon seront interdits dans les cours de récréation à la rentrée, qu'on se le dise. Ah oui. En tout cas, certains directeurs d'établissements s'organisent déjà un petit peu en amont par rapport à ce phénomène. Ils savent que ça a quand même occupé pas mal de jeunes pendant l'été. Donc, ils ont décidé de se prémunir un petit peu des effets de débordement qui pourraient se produire. Imaginez l'apparition d'un Pokémon rare dans la cour. Tout le monde sort de la classe. C'est vraiment la ruée. Donc, ils s'organisent déjà dans certaines régions. Maintenant, certains établissements ont aussi des règles en matière d'utilisation des GSM, des smartphones, etc. Donc, c'est normalement interdit dans l'ensemble de l'établissement, dans les classes. Donc, ils vont peut-être se rallier à ça et durcir un petit peu le ton par rapport à ça pendant la récré, par exemple, pour pas que ça se transforme en cohue générale, chasse aux Pokémon. Tous ces directeurs qui ne savent pas ce que c'est que d'être un chasseur de Pokémon. Ben voilà, enfin, ça sera peut-être pas toutes les écoles. Vous croyez que ça s'arrête pendant une journée écoles. Chasser le Pokémon, ça se fait tout le temps. C'est un travail à temps plein. C'est un vrai boulot. On va faire passer le message. Merci Dominique. 18h41, il est l'heure de retrouver Marc Touesca, c'est Pop Story. Pop Story. Marc Touesca. Aujourd'hui, Pop Story vous propose quelques chansons qui, en leur temps, furent déconseillées, voire purement et simplement interdites d'antenne. Vous êtes astreint à ne passer que des formes de musique aux normes et non vos trucs de sauvage. Si nous remontons jusqu'au milieu des années 50, juste avant la déroute de Dien Bien Phu, Boris Vian, pacifiste convaincu, écrit Le Déserteur. Jugée subversive, même dans sa version édulcorée, elle est immédiatement censurée et son interprète Mouloudji définitivement blacklisté. Messieurs, qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Sorti en 78, c'est 13 ans plus tard et pendant la guerre du Golfe que Killing an Arab de Cure connaîtra les affres de la censure. Les divers mouvements nationalistes et xénophobes la récupèrent au point d'en faire un chant patriotique. Pour calmer le jeu, les autorités bloquent toute diffusion et vont jusqu'à interdire la chanson de Robert Smith, qui pourtant à l'origine est inspirée d'un passage de L'étranger d'Albert Camus. I'm alive. I'm dead. I'm the stranger killing an Arab. Love story. Live from New York, it's the Ed Sullivan Show. Quand les Rolling Stones débarquent sur le plateau de la plus grande émission de télé américaine, Ed Sullivan, le maître de cérémonie, demande à Mick Jagger de modifier un tantinet le texte de Let's Spend the Night Together. À une heure de grande écoute, il était impensable dans la pudibonde Amérique de 1967 qu'un jeune homme puisse proposer à une fille de passer la nuit ensemble. Mick chantera Let's Spend Some Time Together, passons un moment ensemble. Il est pas cool, Mick! Il est énorme, Mick. Vous allez nous apprendre votre jeu de scène. Un an plus tôt, chez nous en 66, et pour les mêmes raisons, c'est à Michel Polnareff que l'on demande de se tenir un peu à carreau. Sa chanson « L'amour avec toi » avait beaucoup de mal à passer chez les perles à pudeur du ministère de l'Information. Pourtant, il n'y a rien de pornographique dans ce texte. Juste que Polnareff dit à une jeune demoiselle « J'aimerais simplement faire l'amour avec toi ». Et puis c'est tout. Il est des mots qu'on peut penser. Dire en société, moi je me fous de la société et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Bien sûr, moi, je pourrais te dire que je ne vis que par ton sourire. Dans cette série de chansons interdites à la radio, c'était Michel Polnareff déconseillé en 1966 L'amour avec toi. Pop Story. L'histoire des hits. Retour de Marc Toesca demain dans l'émission à la avant 19h. On a encore du boulot, des cadeaux à vous offrir. 4 entrées pour aller visiter le château de Lavaux-Sainte-Anne grâce à 365.be, Ciné-Télé-Revue et au beau vélo de Ravel. Tout l'été sur Vivacité, vous repartez avec des entrées pour les plus beaux sites touristiques de Wallonie. Donc allez-y maintenant, 4 entrées à gagner pour le château de Lavaux-Sainte-Anne. Vous envoyez Ravel au 60-03 pour 75 centimes. Le message. Dans un instant, je vais vous parler d'une application qui arrive au Japon. L'idée est de communiquer avec les morts. Mais au fait, communiquer avec l'au-delà, c'est possible ou pas? On voit ça juste après la pause. Je paye moins cher, tu payes moins cher, il paye moins cher. À la rentrée, les bonnes affaires se conjuguent chez Cora. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. exiger l'excellence. Porter chacun au sommet de ses compétences. Quelles que soient les options et les orientations, c'est la volonté de l'Athénée Royal de Soumagne. Dans un cadre nature, l'Athénée Royal de Soumagne dispose de tous les atouts de la réussite. Pour en savoir plus sur l'enseignement général, technique et professionnel de l'Athénée Royal de Soumagne, rendez-vous sur athénée-soumagne.be. Athénée Royal de Soumagne, l'humain au cœur de l'enseignement. Votre Opel à prix incroyable, c'est maintenant chez Opel Bounamo. Bounamo, plus que jamais les meilleures conditions, des super taux de financement et toujours un large stock de véhicules neufs et d'occasion. Bounamo, le service qu'il vous faut. Quai Vercours à 100 mètres du standard. Opel-bounamo.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Bon. Là, il faut que je vous parle d'un projet au Japon qui peut peut-être être un peu flippant, c'est vrai. L'idée, c'est de développer une application, c'est une entreprise de pompes funèbres japonaise qui a décidé de développer cette appli où on va pouvoir laisser des messages pour quand on sera plus là. Voilà, tout simplement, l'idée va être que les morts vont pouvoir laisser des messages aux vivants. Alors ça, c'est pour le futur, c'est l'application qui est en cours de développement. Mais en fait, on peut déjà peut-être communiquer avec les morts. Alors certains y croient, d'autres n'y croient pas. On va en parler avec Nicolas Gigliotti. Vous êtes médium. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité, Nicolas. Alors, merci. La question, elle est simple. Donc là, on va pouvoir, avec la technologie, parler avec les morts. Sauf qu'en fait, il n'y aura que le mort qui nous aura laissé un message à l'avance. C'est pas réellement communiqué. Est-ce que communiquer avec l'au-delà, c'est possible ? Oui, il faut pas des instruments qui coûtent des fortunes, un stylo, une feuille, et on peut faire de l'écriture automatique et on peut rentrer en contact avec nos proches disparus et même d'autres personnes, puisque moi étant médium, moi je fais aussi de l'écriture automatique bien sûr, mais je n'ai pas besoin de même pas besoin de faire de l'écriture automatique pour entendre des voix ou entendre, je vais dire, sentir des présences autour de moi par rapport à l'au-delà. Ça veut dire que là, on est en train de se parler, il y a peut-être du coup, vous entendez à ce moment-là des voix autour de vous, ou alors il faut se mettre en condition particulière ? Oh, je peux entendre des voix à tout moment. Il y a des moments où alors, en clientèle par exemple, alors là, c'est il faut se mettre en condition. Si ce sont des personnes vraiment qui me demandent de faire de l'écriture automatique ou de ressentir des choses, mais dans la vie de tous les jours, si je n'exerce pas, si je ne fais pas ça, j'entends quand même des voix, je sens des souffles autour de moi. Oui. Et dans un cimetière, c'est folklorique. Là, j'entends vraiment, mais clairement, des voix. Et vous pouvez échanger, là ? Bien sûr, oui. Il y a beaucoup de personnes. En fait, c'est un peu glauque ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'un proche s'est suicidé ou des choses comme ça, sans laisser de lettres ou on comprend pas pourquoi il s'est suicidé. Alors on vient me voir et j'essaye d'avoir un message et c'est déjà arrivé beaucoup de fois quand même. Hein. C'est pas arrivé 10 000 fois non plus, mais au moins une trentaine de fois. Que le défunt, entre guillemets, hein, l'âme du défunt, puisse prendre la parole par rapport à ma main et écrire à la personne des petits surnoms, des petites choses que qu'elle pouvait dire de son vivant à cette personne et qu'elle dit à travers moi que je ne pourrais pas l'inventer puisque je peux pas le savoir. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là vous tenez un bic, vous avez une feuille et donc c'est pas vous qui écrivez, votre main est contrôlée. Non. Ma main, je ne la contrôle plus, disons. Je me laisse aller, donc il y a quand même une petite préparation de quelques minutes. Ouais. Et alors après, je demande que l'esprit de telle personne, si on me l'a demandé, ou alors n'importe quel esprit positif vienne m'écrire un message et donc ma main, je sens ma main qui part toute seule et alors c'est effrayant quand même. Écoutez, je suis né avec ce don, donc pour moi c'est pas effrayant, mais je comprends que pour le commun des mortels ça peut l'être. Mais beaucoup de personnes aussi me disent ah là là, j'ai un petit peu peur, et puis quand la séance se passe, on n'a pas peur, quoi, parce qu'il n'y a rien de... On n'est pas dans l'exorciste, hein, il n'y a rien d'impressionnant à voir quelqu'un qui écrit finalement quelque chose. Et voilà, et alors ce que je dois préciser aussi, c'est que l'écriture du défunt, que je ne peux pas, encore une fois, imiter sans jamais avoir connu cette personne, l'écriture est semblable à celle donc... Ah oui, donc c'est pas que le message, c'est carrément même la calligraphie qui est retransmise. Oui, tout à fait, la signature, je ne sais pas moi si la personne faisait une signature avec un petit cœur, un petit soleil, j'ai ça en c'est tête dingue. Pour le moment... Eh bien, ça le fait. Donc, les personnes qui viennent sont surprises, mais en même temps, je vais dire surprises d'une bonne façon, pas surprises en ayant peur, parce que, bon, maintenant, il y a peut-être certaines personnes qui font du cirque avec ça, mais moi, je ne fais pas du tout de cirque. C'est sur une table, voilà, j'ai quelqu'un en face de moi et j'écris, je fais l'écriture automatique, une petite bougie, bon voilà, il n'y a absolument rien d'impressionnant. Et tout le monde pourrait arriver à le faire ou pas ça? Moi je pense que tout le monde a le don, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui occultent ça parce qu'ils ont peur, et donc ils n'arrivent pas à se concentrer en fait pour vraiment avoir un message. Mais moi, j'ai pas eu le temps de pouvoir réfléchir à me concentrer, puisqu'à 4 ou 5 ans, je ne savais même pas encore écrire, et j'ai des messages que d'ailleurs ma maman a gardés dans une farde, où j'écrivais déjà comme un adulte n'importe quoi, et je ne savais même pas ce que j'écrivais moi-même. Eh ben, merci pour toutes ces explications, Nicolas. Je rappelle que donc, Nicolas Gigliotti, vous êtes médium, et que vous pouvez communiquer avec l'au-delà. Je vous souhaite une bonne soirée, Nicolas. On se dit à bientôt. Oui. On se dit à bientôt, et si on veut me retrouver, donc c'est sur le www.nicolas-medium.be. Et ben voilà, comme ça on a l'adresse. Je vous souhaite une bonne soirée. Voici tout de suite le best-of des enfants de cœur. Les enfants de cœur. Non, disons qu'avec ma femme, de temps en temps, on fait une golo-golo dans la case. C'est une coutume, à chaque printemps, ma voisine Fernande entame un gros chantier de travaux. Et cette année, elle a décidé de s'attaquer à une urgence, son dentier. Pour être honnête, ça faisait longtemps que le sien ne fonctionnait plus bien. Il faut dire qu'elle l'avait acheté en 1960, juste avant de partir en voyage en car à Montélimar, pour éviter de devoir sucer ses nougats devant les gens. Et ces derniers temps, c'était vraiment devenu pénible. Quand Fernande parlait, ça faisait série télé américaine. On entendait le son et sa bouche bougeait avec une seconde de retard parce que les charnières devenaient dures à desserrer. C'était surtout gênant à cause du grincement qui fatiguait Fernande parce qu'à chaque fois qu'elle parlait, elle croyait que quelqu'un ouvrait la barrière de son jardin et elle allait voir qui c'était. Finalement, quand elle a appris que tous les enfants du quartier l'appelaient la ventriloque, parce qu'elle ne desserrait plus du tout les dents en parlant, Fernande a décidé d'investir dans un nouveau dentier l'argent qu'elle économisait depuis 7 ans pour se faire remonter les paupières en disant « Ce n'est pas grave, si ça s'empire de ce côté-là avant que je n'aie les sous, je les attacherai avec des pinces à linge à mes lunettes. » Fort économe, Fernande a d'abord fait un essai avec un dentier d'occasion, reçu de son ami Léon qui s'occupe de brocante. Mais malheureusement, il était tellement grand que le jour passait sur les côtés, ce qui lui donnait mal à la gorge avec les courants d'air. Elle a donc opté pour un modèle neuf. Le jour de la livraison, tout le quartier était très ému. Par précaution, Fernande avait insisté pour que le dentiste lui livre son dentier à domicile en se disant que comme ça, il pouvait la dépanner en lui mâchant sa viande avant de partir s'il devait reprendre le dentier pour un réglage. Heureusement, tout s'est bien passé, enfin, jusqu'au départ du dentiste. Un voisin, trop content qu'il n'en ait plus entendre des grincements à chaque bâillement de Fernande, a accouru avec une bouteille de champagne pour fêter ça sur le pas de sa porte. La gentillesse a parfois des conséquences désastreuses. C'est sans doute l'unique caractéristique féminine de Fernande. Elle ne sait pas bien ouvrir les bouteilles. Comme elle dit toujours, c'est trop dur. Et comme à son habitude, elle a ajouté, ça ira plus vite avec les dents. Elle avait raison, ça a été très vite. avant que quelqu'un n'ait pu intervenir, elle a attrapé le bouchon entre ses nouvelles dents. On a entendu un grand pop et on a vu le bouchon de champagne sauter en l'air avec le dentier de Fernande planté dedans. Dans les séries télé, quand les policiers cherchent des indices, ils les trouvent toujours avant la fin de l'épisode. Les voisins et moi, on a ratissé tous les jardinets et toute la rue, mais nous, on n'a rien trouvé, pas une seule dent. C'est au moment où on allait arrêter les battues après 2 heures d'effort, quand j'ai trouvé que Snoopy, le chien de Fernande, avait un drôle de sourire qui me rappelait quelqu'un, que la situation s'est compliquée. Snoopy, il est comme ça, il n'aime pas donner les nouveaux jouets qu'il a trouvés. Et avant que je n'aie eu le temps de le coincer, il a avalé le dentier. Aujourd'hui, dans ma rue, la légende dit que Fernande a enfermé son chien pendant 3 jours dans sa cuisine en mettant du laxatif dans sa pâtée. Et depuis lors, chaque fois qu'elle s'approche des voisins en souriant, ils partent tous en courant. Je vous remercie. Retrouvez les enfants de cœur en podcast et vidéocast sur vivacité.be et sur la page Facebook de l'émission. Mais qui voilà, qui arrive pour la suite de l'émission, pour la suite de la soirée. Je cherche la clim. C'est ici. Je suis venu pour la clim. Ici, c'est vrai qu'il fait pas trop mauvais. Petite message de félicitations à Daniel qui repart avec ses entrées pour au château de, pour aller au château de Lavaux-Sainte-Anne. Voilà, c'est demain. Dit. À demain. Bonne soirée. Bien. On arrive avec Maître Gims et Sia. Je te pardonne juste après les infos. À tout de suite. Bonjour, c'est Michel Vincent de Liège Aller-Retour. C'est la rentrée radio. Et je vous retrouve avec plaisir et un maximum de bons plans chaque après-midi dès 15h sur Vivacité. Génial, le parc du Montmauzan. Les spectacles d'otaries, de perroquets, le mini-zoo, les attractions, le mini-golf, la plaine de jeux. Mes parents aussi ont adoré. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'on y retournerait. Une journée est toujours inoubliable au Montmauzan, pleine de la Sarthe à 8. Surfez sur montmauzan.be. Parc le Montmauzan, une montagne d'amusement. Vivacité à Esneux, en toute complicité, sur 90.5 FM. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. Il est 19h. Natacha Stragier, bonsoir. Au moins 73 morts dans le centre de l'Italie après le tremblement de terre qui a frappé le centre du pays la nuit dernière. Durant les 12 heures qui ont suivi la secousse initiale, 150 répliques ont été enregistrées. Les autorités italiennes ont fait appel à l'armée et 235 millions d'euros ont été débloqués. Le séisme laisse aussi des milliers d'habitants sans abri. Aline Ouavreille tente de rejoindre la zone touchée, mais l'accès est évidemment très difficile. Oui, on est ici sur la route d'Amatrice, à quelques kilomètres seulement de ce village, l'un des villages les plus touchés par le séisme de la nuit dernière. C'est une route sinueuse, une route montagneuse et puis surtout une route très prisée par les secours. On voit ici des camions de pompiers passer, mais aussi des camions qui transportent des excavatrices ou encore des camionnettes qui acheminent des vivres, de l'eau notamment.